Un forfait mobile play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 5 octobre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016. Faites demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 Cactus avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 135€ par mois. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km après un premier loyer de 1 800€. Offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. La météo sur RMC avec Yasmina Benbekaï. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. Globalement, c'est une belle journée estivale, mais on a ce matin quelques pluies entre le Poitou-Charentes et les Ardennes. Ailleurs, c'est un temps sec et souvent ensoleillé. Et puis cet après-midi, le temps va s'améliorer. On ne parlera plus de pluie, mais des nuages quand même entre l'Île-de-France, le Nord et les Ardennes. Ailleurs, il fait beau. Quelques orages quand même prévus sur les Alpes et le relief Corse. Les températures cet après-midi, 20 degrés à Cherbourg, 24 à Paris, 30 degrés à Strasbourg et 33 à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 15h, Football Ligue 1, Nantes-Metz, suivi de Rennes-Caen. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc Toulouse-Toulon. Et à 20h45, retour à la Ligue 1 avec Nice-Marseille. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC dans un instant, le week-end des experts auto. Il est 8h et à 8h, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, elle était passée dans la voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvées à deux pas de Notre-Dame il y a une semaine. Première mise en examen hier dans le commando de djihadistes femmes. Qui sera le leader des frondeurs à la présidentielle? La gauche du Parti Socialiste est à La Rochelle ce week-end. Montebourg et Hamon sont là aussi pour séduire. Et puis le foot, la Ligue 1, début de saison quasi idéal pour Monaco. En tête, Lyon par contre s'enfonce tout doucement dans la crise. 8h01 sur RMC. C'est bonjour à tous. Elle s'appelle Ornella, elle a 29 ans, maman de 3 enfants et djihadiste présumée. C'est la première des femmes impliquées dans la tentative d'attentat avorté à deux pas de Notre-Dame à Paris à être mise en examen. Marie Régnier, il y a une semaine, elle était bien présente sur place. Oui, cela ne fait aucun doute. Ornella a bien participé à l'attentat avorté aux abords de Notre-Dame de Paris. Ses empreintes ont été retrouvées dans la voiture. Selon l'AFP, la jeune femme l'a d'ailleurs reconnue devant les enquêteurs et a même donné des éléments. Oui, l'objectif était bien de faire exploser cette voiture remplie de bonbonnes de gaz. Pour cela, elle et sa complice Inès ont utilisé une cigarette et une couverture pleine d'essence. Mais le feu n'a pas pris et les deux femmes se sont finalement enfuies quand elles ont aperçu un homme qu'elles ont pris pour un policier en civil. En tout, 5 gardes à vue sont toujours en cours, dont celle du trio de femmes qui préparait, selon le procureur de Paris, une autre attaque violente dans la capitale. Les précisions de Marie Régnier, lui, avait malheureusement mis à exécution son sinistre projet. Le 14 juillet dernier, Mohamed Laouesh Boulel fonçait dans la foule à Nice, 86 victimes. Et presque 2 mois plus tard, le témoignage de la policière qui a ouvert le feu ce soir-là sur le terroriste et mis fin à sa course sur la promenade des Anglais. Magali détaillait le scénario hier sur le site du syndicat Unité SGP Police. On est parti en courant derrière avec mes collègues. Le camion s'est arrêté 150 mètres après, en fait, le moment où on commence à courir, parce qu'il y avait un civil qui était en train de, qui avait réussi à monter à la cabine et qui tapait le conducteur. Et donc après, nous on arrive et on tire. Pour ma part, une fois que j'ai vu sa tête en sang, là, je me suis dit c'est fini, mais c'est pas fini en fait. On reste sur le qui-vive. On croit pas que c'est la fin en fait. On peut pas réaliser que ça s'arrête là. Voilà le témoignage de Magali, policière niçoise. La menace terroriste. Et ce dimanche n'est pas un jour comme un autre. 11 septembre 2016, il y a 15 ans, le monde entier était sidéré en voyant ces deux avions foncer et détruire les 2 tours du World Trade Center à New York. 15 ans plus tard, le terrorisme a pris d'autres milliers de vies. Alors ce 11 septembre 2001 est-il le début d'une ère de terreur? Pas forcément pour le chercheur Pascal Boniface. Certains disent que le 11 septembre nous a fait entrer dans une ère nouvelle. Je ne crois pas. Les rapports de force internationaux n'ont pas beaucoup changé. Les États-Unis ont été bien sûr très atteints, mais leur puissance n'a pas diminué. Ce n'est pas non plus le début de la guerre contre l'islam ou le terrorisme. Le terrorisme existait, l'islam politique également. Il a continué après, il existait avant. On confond le choc émotionnel de par la surprise de la nouvelle, la stupeur que l'on a tous et la place réelle dans l'histoire. Le 11 septembre n'est pas le jour d'après, c'est une étape dans les longs rapports entre monde occidental, islam, terrorisme, etc. Pascal Boniface interrogé par Antoine Perrin. Les conditions de vie des détenus radicalisés devraient changer dès la semaine prochaine. C'est ce que dit le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, dans le journal du dimanche ce matin. Réaction après l'agression de deux surveillants cette semaine. Multiplication des fouilles et des changements de cellules récurrents. C'est ce que propose le ministre. Et puis la politique, c'est aussi la gauche de la gauche qui se fait entendre ce week-end. Les Frondeurs sont à La Rochelle pour leur université d'été. Ce sont deux candidats à la présidentielle qui ont fait le déplacement. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, tous deux venus chercher le soutien de la gauche du Parti Socialiste, Elisa Bertholomé. Comme un symbole, ils sont arrivés chacun d'un côté du train faisant mine de s'étonner de la présence de l'autre à la gare. Une question de hasard certainement, car pour Arnaud Montebourg, l'heure n'est pas encore à l'Union. Je présente mes propositions, c'est une campagne de contenu. Les Français veulent voir comment nous voulons transformer le pays et où nous voulons l'emmener. Il n'y a que ça qui m'importe. Le reste, on s'arrangera. Pourtant, l'entourage des deux candidats se voit régulièrement. Et pour les militants, il ne faut qu'un seul candidat de la gauche du PS à la primaire. Pour Benoît Hamon, l'unité n'est pas encore à l'ordre du jour. On est dans une phase où on a besoin de parler et d'aller au bout. On le voit bien. On a besoin de creuser. Et je crois qu'une primaire, ça permet cela. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Moi, je comprends qu'on puisse avoir le désir de l'unité, mais il faut qu'elle se fasse sur des bases politiques. D'ici la primaire, chaque candidat a donc bien l'intention de tracer sa route. Aucun des deux n'est prêt à renoncer. Montebourg, comme Hamon, pense être le mieux placé pour l'emporter. Le reportage à La Rochelle de l'envoyé spécial RMC, Elisa Bertholomé, 8h05 sur RMC. Et si Monaco était le club qui fera frémir le PSG cette saison, c'est bien parti en tout cas. Victoire 4-1 à Lille hier soir, les Monégasques leaders de Ligue 1 de football. L'attaquant Valère Germain reste les pieds sur terre. Enfin, un bon début de saison, on s'est qualifié en Ligue des Champions, on a battu Paris, on est leader en Ligue 1, mais c'est que le début, donc voilà, on prend ça tranquillement parce qu'il reste beaucoup de matchs. S'il faut dans un mois et demi, on sera plus du tout avec autant de victoires. Donc voilà, continuer à travailler, bien récupérer parce qu'il y a aussi 7 matchs en 3 semaines là qui vont être très difficiles. Donc on verra si à la prochaine trêve on sera bien placé, on sera très heureux de l'être. Voilà, autre club, autre ambiance. Lyon a coulé hier, défaite 3-1 face à Bordeaux, même score pour Angers face à Dijon, 2-0 pour Nancy à Lorient, Bastia bat Toulouse 2-1, un partout entre Guingamp et Montpellier. La suite aujourd'hui de cette quatrième journée de Ligue 1 avec ce soir Nice qui reçoit Marseille. Nice et sa star qui devrait fouler la pelouse ce soir. Yann Pécheral, Mario Balotelli est dans le groupe. Il est au centre de toutes les discussions depuis son arrivée il y a 10 jours. Précédé de sa réputation sulfureuse, il est pourtant, selon Johan Cardinal, le gardien niçois, bien différent de son image médiatique. Bah, c'est un peu comme Atem Ben Arfa, avait une mauvaise image médiatique, mais après dans le vestiaire, on dirait que c'est complètement une autre personne. Placé dans le vestiaire entre un jeune Rémi Walter et l'expérimenté brésilien Dante, la star italienne fait tout pour se faire adopter, selon Alassane Plea, l'attaquant du gym. Aujourd'hui, il a fait un cadeau à toute l'équipe et ça montre qu'il a envie de bien s'intégrer. Et nous aussi, on essaye de bien l'intégrer pour qu'il soit au maximum de sa forme. Et si son entraîneur Lucien Favre est satisfait de son acclimatation, pas sûr que Mario Balotelli débute la rencontre face à l'OM. Maintenant, il y a un gros travail de reconstruction à faire. Ça va demander obligatoirement un certain temps. Ils seront en tout cas plus de 30 000 ce soir à espérer sa présence. Le rugby est Clermont qui s'est vengé de la plus belle des manières. 47-10, la victoire des Auvergnats sur le champion titre, le Racing 92. Et forcément, l'entraîneur Franck Azéma ne peut que saluer ses joueurs. Ouais, je suis content, c'est une grosse partie, bonne partie collective, on savait qu'il y avait une grosse opposition, donc il fallait qu'on élève le curseur forcément, que ce soit, comme j'avais dit dans la semaine, plus réaliste par rapport à ce qu'on avait produit sur les matchs avant, mais c'est bien parce que c'est quelque chose qu'on a réglé de suite, et puis c'est bien de voir, de retrouver le Michelin avec cette ambiance-là dès le début de la saison et de pouvoir partager, on sent que c'était, nous on s'est livré sur le terrain, mais ça s'est livré fort aussi dans les tribunes, c'était bon. Des victoires également hier pour le Stade français, Montpellier, La Rochelle, les Bordeaux-Bègles, le tennis. C'est l'Allemande Angélique Kerber qui a remporté l'US Open cette nuit. Elle devient numéro 1 mondial. Aujourd'hui, Djokovic, Wawrinka, la finale homme et le Suisse, n'a pas peur. J'ai eu la chance de pouvoir le battre deux fois ces dernières années en Grand Chelem. Maintenant, c'est le numéro un mondial, c'est un gros challenge. Il gagne pratiquement tous depuis quelques années. Maintenant, je connais sa force aussi. Je sais à quel point mentalement, physiquement en général, il se connaît bien. Il arrive toujours au top de sa forme dans une finale et je suis sûr qu'il sera prêt pour cette finale. Stanislas Wawrinka au micro d'Eric Salio. Un petit mot de l'équipe de France de Coupe Davis. La demi-finale face à la Croatie, c'est la semaine prochaine et ce sera sans Joe Wilfried Tsonga. Forfait, 8h08 sur RMC. Les courses pour terminer, François Sorel. Avec un tiercé quarté quinté plus cet après-midi à Chantilly, Thomas et Sébastien Arras nous recommandent le 3 Hello My Love et le 16 Starson. Brahim Asloum nous conseille le 10 Zeppelin et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 9 Follet et l'As Écureuil. Donc nous avons le 3, le 16, le 10, le 9 et l'As. Et puis sachez que se disputera également cet après-midi le Qatar Prix Vermeil, 6e étape des Epic Series. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris sportifs, Paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RMC, 8h10, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il est 8h09 minutes sur RMC. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Un excellent. À partir de 10h, vous retrouverez les GG du sport, bien entendu avec Christophe Cessieux et Serge Chimon. Mais auparavant, je sais que vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux, à attendre ce rendez-vous. 2 heures dédiées à l'automobile avec notre expert à nous. Notre expert maison, c'est Jean-Luc Moreau. Monsieur Moreau, bonjour. Bonjour monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Bon. Et tous les lapins qui nous écoutent. Lapins qui nous écoutent. Ouais, j'ai entendu qu'il fallait pas qu'ils mangent de carottes. Alors il fallait qu'ils en mangent un tout petit peu. Ouais, j'ai appelé Bugs Bunny tout de suite. Il n'est pas content. Ouais, ça je le comprends. Bon alors quoi de neuf docteur? Alors, écoutez, on va parler de plein de choses durant ces 2 heures dédiées à l'automobile. Les questions des auditeurs dans un instant. Est-ce qu'on peut changer un numéro d'immatriculation disgracieux? Oui, par exemple, une Fuego immatriculée caca. Ouais, hein, c'est pas terrible. Bah si, ça va bien, je trouve. Oh non, surtout si elle est marron. Bah oui, par exemple. L'essai de la semaine, ce sera la Peugeot 2008 PureTech 110 BVA. Exactement, vous savez que la Peugeot 2008 a subi un petit lifting récent qui lui a donné un peu de caractère. De peps. Voilà, il fait plus SUV ce petit SUV qu'il ne faisait auparavant. Pourquoi? Ben pour contrer le Renault Captur qui reste la meilleure vente dans la catégorie. Alors est-ce qu'il a atteint son objectif? Mystère et boule de pétanque et on le saura tout à l'heure. Oui, puisque vous l'avez testé, vous nous direz ce que vous en pensez. Faut-il rouler au super éthanol E85? C'est un carburant dont on parle de plus en plus souvent, Jean-Luc. Bah oui, d'autant que maintenant, il y a plus de 800 pompes en France, donc on en trouve quand même pas mal. Et surtout, oui. Et surtout, 71 centimes de moyenne. Moi, je l'ai vu à 60 centimes la semaine dernière. C'est deux fois moins cher qu'un super normal. C'est deux normal. Fois moins cher que 80, du super normal. Ouais, 95. Alors, dans quelle voiture peut-on le mettre? Est-ce que ça roule normalement? Les kits, est-ce qu'on a le droit d'utiliser les kits? Tout ça, vous le saurez si vous restez avec nous et que vous écoutez tout à l'heure, on vous fera faire des grosses économies. Oui, parce que mine de rien, comme c'est deux fois moins cher, on peut économiser. Alors jusqu'à 50% de sa facture. Vous consommez un petit peu plus, mais ouais. C'est tout de même extrêmement rentable. C'est intéressant. Est-ce que c'est plus intéressant que le diesel? Eh ben, il faudra rester nous supporter pour le savoir. Et puis Jean-Luc, on le sait, hein, sur une page Facebook, vous donnez régulièrement les emplacements des radars. Ça a failli vous coûter... Surtout dans mon jardin d'ailleurs. Oui, vous avez des radars. Mais c'est marrant, j'ai assez peu de radars, followers. C'est des radars de lapin. C'est pour ça. Non, on va revenir sur cette histoire qui dure depuis plusieurs années. Hein, oui. Ce groupe sur Facebook qui s'était réuni pour situer les radars dans une région de France. Je ne sais plus laquelle c'était. C'est le sud de la France. Enfin, c'est le centre de la France. Voilà. Et donc, un policier était tombé sur cette page et avait traîné en justice. Exactement. Les auteurs de ce groupe. Voilà. Alors, bon, comme l'avocat qui défendait les prévenus s'appelle Maître Rémi Jossaume, qu'on et connaît que bien. On le connaît puisqu'il est gold member. Exactement. Dans cette émission, on aura Rémi Jossaume tout à l'heure qui nous expliquera ce qui s'est passé. Oui, cette victoire finalement, parce que visiblement c'est une victoire. Ouais, bah, je pensais garder le suspense, mais vous avez dit victoire. Alors on va rembobiner, on va effacer au montage. On en a parlé cette semaine, c'est vrai. Et puis on terminera avec l'actualité de la semaine avec automoto.com. Soyez les bienvenus les amis, c'est parti pour ce rendez-vous auto. Jean-Luc Moreau m'accompagne et attend vos questions au 32-16. Et on accueille Gilbert tout de suite. Bonjour Gilbert. Bonjour François, bonjour Jean-Luc. Bonjour Gilbert. Bonjour Gilbert. Très bonne émission que je rate rarement. Hein. Ah, ça c'est bien. C'est... Bon, ou ça, attendez, parfois. Ouais, vous me permettez de faire un quart d'heure de vélo en plus d'appartement. Tellement ça passe vite. Ah, attendez, mais écoutez, ça, vous savez. Non, mais c'est bon pour la santé. En fait, cette émission est bonne pour la santé. Exactement. Voilà. C'est ça. Alors, j'aurais deux petites questions. J'ai fait l'acquisition d'un véhicule en mars dernier et je l'ai prise en LOA. Location avec option d'achat. Voilà. Oui. Donc je voulais votre avis. Et puis la deuxième, quand on a le véhicule, bon, vous savez, c'est une essence que j'ai acheté, hein. Oui. Et bon, normalement, on peut rouler au 95 E10. Oui. Il y a 95 E10. Mais il déconseille quand même le 95 E10. sachant qu'on n'en trouve plus chez Total. Qui 95 tout court. Qui vous déconseille le 95 E10 ? Les vendeurs, franchement. Ouais. Ils ne le disent pas vraiment, mais vous voyez... Ouais. Les vendeurs qui vous ont vendu pendant des années des diesels alors que vous faisiez 5 km par jour. Et vous avez confiance dans ces gens-là, vous ? Voilà. Un petit peu quand même. Franchement, non, mais alors les vendeurs, faudrait qu'ils retournent à l'école la plupart. Voilà, faudrait au moins qu'on leur explique. Qu'on leur explique déjà... que quel que soit le super que vous mettez dans votre voiture, il y a de l'éthanol dedans. Vous mettez du 98, il y a 7%. Ce qu'on appelle de l'ETBE. C'est de l'éthanol modifié, mais voilà. Il y en a quand même 7%. Dans du 95, il y en a quand même. Il y en a juste 10%. Il y en a plus dans le 95 E10. Tous les véhicules depuis 2000, sauf exception majeure, même depuis 1998, sauf cas très particulier, vous avez une liste, pour une fois, le ministère a fait les choses à peu près bien, donc il y a une liste des véhicules qui sont incompatibles, entre guillemets, ça veut pas dire que si on en met une fois, la voiture va être foutue, mais il y a extrêmement peu de voitures qui n'aiment pas rouler à l'alcool. D'accord. C'est un peu comme François, quand vous lui proposez de l'alcool, bon, voilà, il dit jamais non. Les véhicules modernes aujourd'hui sont faits pour rouler avec un pourcentage d'éthanol qui peut même être beaucoup plus fort que du 95 E10. On parle du E20. Il y a des pays où le E20 existe déjà et les voitures, elles tombent pas en panne plus que ça. Donc vous pouvez rouler au 95 E10, il est même moins cher, donc vous avez tout intérêt à rouler au 95 E10. Quant à ceux qui disent « ouais, mais ça consomme plus », franchement, là, je rigole. D'accord. Je rigole parce que c'est pas le cas. Quoi. Moi, pour avoir fait vraiment des tests, et je sais pas combien de kilomètres les gens font par an, moi, je dois faire entre 60 et 80 000 kilomètres par an, donc on peut considérer que je roule pas mal. Je n'ai jamais noté de surconsommation en roulant 95 E10 par rapport au 95. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais il y a des choses qui font que là où on perd un petit peu en énergie, on récupère ailleurs. Donc franchement, il n'y a aucun risque à rouler au 95 E10. Maintenant, la location avec option d'achat. La LOA. Et la LOA. Vous avez fait un dépôt de garantie ou vous avez payé un premier loyer majoré ? Non, j'ai payé, si vous voulez, la carte grise. Et puis la voiture quand vous la les frais de mise en route quoi hein. Oui non mais vous avez dans le premier loyer soit un loyer majoré non, soit c'est pas ce qu'on appelle un dépôt de garantie, c'est une somme qu'on vous restitue à la fin du contrat. J'ai pas payé comme ça. Ah ouais. Donc ouais. Vous avez en fait alors si vous voulez, j'ai sorti à peu près 800 euros la carte grise. Ouais. Et puis la voiture neuve, vous savez, la mise en route, ce qu'on appelle. Oui, bien sûr. Hein. D'accord. Et puis après, je suis parti sur un loyer. Donc pendant un an, c'est sur 48 mois. Hein. Mm-hmm. Sachant qu'au bout d'un an, j'ai un échéancier, si vous voulez, je peux la racheter quand je veux. Ouais. À partir du 13e mois. Faites bien attention de la rendre dans l'état où on vous l'a donné. Ouais, hein. Ça, c'est le gros problème de ce genre de système de LOA. Hein. Parce que quand ils vont récupérer la voiture. Vous comptez la rendre dans 4 ans, Gilbert ? Je sais pas. Je, je peux très bien repartir au bout de 12 mois, au bout de 24 mois, au bout de 30, quand je veux, en fin de compte, après. D'accord. Ouais, faites attention à ce qui est écrit en bas dans les. Alors, le meilleur, je dis ça pas pour vous, mais pour ceux qui veulent faire un contrat LOA, la meilleure formule, c'est un dépôt de garantie important, un premier loyer normal, tout ça pour pas perdre trop d'achats, trop d'argent à la fin de la LOA. Maintenant, François va pouvoir vous le raconter. Si vous gardez pas la voiture et que vous la restituez à la fin de la LOA, elle a intérêt à pas avoir des bosses partout. Oui, parce que c'est un peu. C'est pas tout à fait comme ça, parce que si vous voulez, j'ai un échéancier, à la fin, n'importe quel, au bout de 12 mois, 18 mois, 24 mois, je la rachète, moi, quelque part. Mais vous pouvez la rendre aussi. Si vous la rachetez, pas de problème. Mais si vous décidez de la rendre, faut la rendre en état nickel. Et là, si c'est l'organisme qui se charge de remettre la voiture en état, ils vont vous le facturer au prix fort, vous allez le sentir passer, hein. Et puis en plus, ils sont intransigeants. La moindre petite rayure, ils vous changent le bouclier ou ils refont une peinture, enfin voilà. Donc, exactement. Et ça chiffre très, très, très, très, très, très vite. Donc ça, méfiance, méfiance. Autrement, oui, aujourd'hui, il y a des formules de location avec option d'achat qui sont très intéressantes pour les particuliers. Pour les professionnels, c'est plus intéressant de prendre la location longue durée, mais la LOA, pour les particuliers, ça reste une formule intéressante. Il est 8h19, merci beaucoup Gilbert, on va revenir dans un instant et nous aurons Gérard qui va nous parler de durée de vie des batteries. Le 3216, auto@rmc.fr, n'hésitez pas à nous appeler en ce dimanche matin, à tout de suite. RMC 8h10, votre auto. Ça veut dire quoi être cool pour Darty? Être cool, c'est être détendu après ses vacances, c'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille, c'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un aspirateur à prix cassé, bref, c'est être cool quoi. La rentrée est cool chez Darty. Du 17 août au 25 septembre, profitez de nos meilleures offres. Par exemple, l'aspirateur avec sac Moulinex MO2430 est à 69,99€ au lieu de 89,99€, soit plus de 20% de remise. Alors, t'as choisi ta montre? Je sais pas, une montre mécanique, plus classique, ou une montre connectée, plus techno. J'hésite. Oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture? Un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent d'eux-mêmes. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249€ par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Vizia DIGT 115 et l'LD 49 mois avec 2000€ d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièce d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Free State of Jones, un déserteur devenu meneur. Aucun homme ne doit dire à un autre homme pourquoi il doit vivre, ni pourquoi il doit mourir. Un meneur qui conduisit une révolte. On se bat pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Free State of Jones, avec Matthew McConaughey. Au cinéma le 14 septembre avec RMC. Événement Food. Vendredi 16 septembre à 20h40 sur la chaîne numéro 23. Ne ratez pas le choc de la 5e journée de Premier League entre Chelsea et Liverpool. Retrouvez Eric Dimeco et Luigi Collange pour vivre en clair cette affiche exceptionnelle. Chelsea-Liverpool, c'est vendredi 16 septembre à partir de 20h40 en direct et en clair sur la chaîne numéro 23. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. 8h21, le week-end des experts loto avec Jean-Luc Moreau. Merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Vous le savez, la première heure de ce rendez-vous auto est dédiée à vos questions. Donc vous pouvez joindre Jean-Luc Moreau, vous avez envie peut-être de changer de véhicule, vous avez un problème avec votre automobile. Là encore, ayez le réflexe 3216 ou bien auto@rmc.fr par mail et laissez-nous vos coordonnées téléphoniques. Gérard est là, bonjour Gérard. Bonjour à vous deux, merci d'avoir choisi mon appel. Bonjour Gérard. J'avais une petite question en fait. Ouais. J'avais l'intention prochainement de changer de véhicule. Et je voulais prendre un véhicule mixte en fait, thermique et électrique. Ouais, donc hybride. Ouais, je sais pas si on appelle ça hybride. On appelle ça hybride. D'accord. Et ma question était simplement de savoir la durée de vie des batteries sur ce type de véhicule, si c'était pour la durée de vie du véhicule ou s'il fallait les changer régulièrement. Et mon choix s'était porté sur la DS5, donc je voulais en même temps votre avis sur ce type de véhicule. Alors, vous achetez un truc qui va disparaître alors? Parce que la DS5 hybride diesel va être retirée du catalogue. Ah d'accord. Voilà. Et quel type de trajet vous faites? C'est un occasion que je voulais acheter. D'accord, oui, parce que de l'hybride diesel, dès le départ, de toute façon, il y avait un truc qui me choquait, moi. Bien sûr. C'est que l'hybride, c'est à l'aise en ville. Et que le diesel, c'est tout sauf pour faire de la ville. Donc de l'hybride diesel, quelque part, il y avait un truc qui clochait. Si ce n'est pour afficher des consommations très basses, des consommations normalisées très basses, il y avait dans la directement dans le projet lui-même une incohérence. Ça, c'était le voilà. Alors ça, c'est bon, maintenant bien, après, c'est bien français. D'ailleurs, PSA arrête de commercialiser les hybrides diesel et a annoncé l'arrivée sur les nouveaux modèles qui vont être présentés de modèles hybrides essence. Voilà. Alors, les technologies de batterie utilisées. Il y a deux technologies majoritairement qui sont utilisées aujourd'hui. Il y a une première techno qui commence à dater un petit peu, qui est toujours utilisée par Toyota d'ailleurs sur ses modèles hybrides, qui est utilisée par Citroën sur la DS5 hybride et Peugeot sur le 3008 hybride 4. C'est la technologie lithium. Alors non, c'est la nickel métal hydrure. Enfin, hydrure métallique sur ces véhicules-là. D'accord. C'est une technologie dont la durée de vie. Alors Toyota a une gestion très fine de la charge et de la décharge des batteries, ce qui permet d'afficher des durées de vie qui sont largement supérieures à 10 ans. Moi, j'ai un véhicule hybride avec une batterie de cette technologie-là qui a plus de 10 ans désormais et dont la capacité de la batterie est toujours de 85%. Donc, on peut estimer que la durée de vie en usage normal sera de au moins 15-20 ans. Donc, franchement, quand votre voiture aura 20 ans, ça laisse un peu de marge. Sur les technologies plus récentes, parce que ça, on a du recul, hein, les premières Prius hybrides sont sorties en 1997, donc maintenant on commence à avoir un peu de visibilité. Ensuite, sur les technologies lithium-ion, qui sont cette fois des technologies plus récentes, c'est en particulier ce qu'il y a sur les véhicules hybrides des Coréens, c'est ce qu'il y a sur les voitures électriques, sur toutes les voitures électriques qui sont commercialisées aujourd'hui. Alors lithium-ion, vous allez me dire, ah, c'est pareil que dans mon téléphone portable. C'est pas tout à fait pareil. Parce que même si les chimies peuvent être parfois proches, la gestion d'une batterie lithium-ion d'une voiture est beaucoup plus fine que celle d'un téléphone portable. Par exemple, votre batterie automobile descendra jamais en dessous de 20%. Alors que votre téléphone, il vous arrive des fois le matin de le retrouver, il est raplapla. Alors ça, très mauvais pour la batterie. Donc la batterie automobile, jamais en dessous de 20%. Et même quand vous aurez le sentiment de l'avoir chargée à fond, elle ne sera jamais au-dessus de 80%. Et de plus, il y a toujours une marge de sécurité qui est prise. Par exemple, si vous avez une Renault Zoé, la batterie, elle a une capacité de 24 kWh. Mais vous n'en utilisez que 22, c'est-à-dire que le constructeur vous dit elle fait 22. En fait, elle fait 24. Donc vous avez 2 kWh de marge qui serviront quand la capacité de la batterie avec le temps baissera. Oui, c'est pour compenser. Ça compensera, voilà, exactement. Donc ce qui fait que... Alors, au départ, les ingénieurs pensaient que en 10 ans, on perdrait 20% de la capacité d'une batterie au bout de 3000 cycles d'une heure. Ça correspond à un usage quotidien. C'est 300 cycles par an à peu près, un usage quotidien. En fait, on s'est rendu compte que bien utilisées, les batteries lithium-ion duraient beaucoup plus longtemps que ça. C'est une estime, nouvelle, ça. On estime aujourd'hui que entre leur durée de vie automobile, c'est-à-dire on estime que la durée de vie automobile, c'est jusqu'à une capacité de 70-80%. C'est-à-dire, si la batterie descend en dessous de 70%, on vous changera la batterie sur votre véhicule. Mais ça, vous avez vu, au bout de 15 ans. Hein, donc, ça laisse encore un peu de marge. Ouais, et puis, la batterie, en plus, aura une deuxième vie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas recyclée tout de suite. Elle servira, par exemple, à poste fixe pour des éoliennes, pour stocker l'énergie qui n'est pas utilisée au moment où le vent souffle et la restituer plus tard. Donc, elles ont encore une deuxième vie. Donc, la durée globale d'une batterie, avant que réellement sa capacité soit trop faible, c'est au minimum 20 ans. D'accord. C'est donc bien ça. Ça, franchement, ça laisse un peu de marge. Et il y a des nouvelles technologies de batterie aujourd'hui qui arrivent et qui vont avoir des durées de vie qui sont multipliées par 2 ou par 3 par rapport à ce que je viens de vous dire. D'accord. Oui, quand Renault pour sa Zoé dit écoutez, on vous loue la batterie parce que au cas où vous aurez un problème, si elle marche plus, on vous la change. Finalement, ils prennent pas énormément de risques alors. Dans ils ce prennent pas beaucoup de risques, mais en fait, ils vous vendent. Eux, ils ont déjà dans leur calcul de rentabilité, ils avaient déjà anticipé la baisse du prix des batteries et en fait, ils ont loué dès le départ les batteries à un prix très inférieur au coût réel de revient à l'instant T. Ils anticipaient la baisse du prix des batteries et c'est vrai que le prix des batteries automobiles baisse tous les ans. Je parle des batteries de traction pour les voitures automobiles, pas de la batterie 12 volts classique, baisse tous les ans de environ 10 à 15%. C'est pas du tout négligeable. Et surtout, il y a des nouvelles technos de batteries qui arrivent, qui sont dans les labos, qui fonctionnent et qui vont permettre d'avoir réellement 500 km d'autonomie sur un véhicule électrique. Merci beaucoup Gérard. Jean-Luc, on revient dans un instant, la météo, les infos. Et on repartira avec, entre autres, l'essai de la semaine, la nouvelle Peugeot 2008 PureTech. À tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30 euros par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Tu sais qui est en tête du championnat de Ligue 1 ? La nouvelle appli du Figaro. Et tu sais qui va se présenter aux primaires ? La nouvelle appli du Figaro. Tu connais un bon restaurant dans le coin ? La nouvelle appli du Figaro. Politique, économie, sport, art de vivre. Pour vivre l'actu comme si vous y étiez, personnalisez votre actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Nouvelle application du Figaro, l'info en temps réel. RMC Running. Le samedi 24 septembre, les RMC Running Sessions sont à Bordeaux avec New Balance. Initiez-vous à la pratique du running avec le champion du monde du 4x400 mètres, Leslie Jones. Inscription sur la page Facebook RMC Running. RMC, c'est là que ça se passe. Initiez-vous au running à l'occasion des RMC Running Sessions avec New Balance. Un coup d'œil sur la météo de votre dimanche sur RMC avec Yasmina Benbekaï. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. Quelques gouttes ce matin entre les Charentes, Paris et Reims. Ailleurs, c'est du soleil. Au fil des heures, ce sera un temps sec pour tout le monde avec un temps agréable. Le ciel se partagera entre nuages éclaircis. Demain lundi, un beau temps ensoleillé pour tout le monde avec des températures en hausse. Il va faire chaud demain, 30 degrés en moyenne au nord et 33 degrés en moyenne au sud. Les températures justement cet après-midi, 20 degrés à Cherbourg, 21 degrés pour Brest, 22 à Lille, 24 degrés cet après-midi à Paris, 25 à Nantes et à Reims, 29 degrés pour Clermont-Ferrand et Biarritz, 30 à Strasbourg, Lyon et Bordeaux, 31 degrés pour Toulouse et Perpignan et 33 degrés à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC 8h30. Un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Comme chaque année, le nombre des 3000 victimes sera égrené à grande zéro ce dimanche. Nous sommes le 11 septembre. Il y a 15 ans, l'Amérique était frappée par le terrorisme, journée de commémoration. Le terrorisme est la menace qui plane sur toute la planète. En France, c'est ce commando de terroristes femmes qui faisait la une cette semaine. L'une d'entre elles a été mise en examen hier soir. Elle s'appelle Ornella, elle a 29 ans. Ses empreintes ont été détectées dans la voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvées près de Notre-Dame à Paris. Les conditions de vie des détenus radicalisés devraient changer dès la semaine prochaine. C'est ce que dit le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, dans le journal du dimanche ce matin. Réaction après l'agression de deux surveillants cette semaine. Multiplication des fouilles et des changements de cellules récurrents. C'est ce que propose le ministre. Le procureur de Paris, François Molins, n'a pas interféré dans le débat politique. C'est le rappel à l'ordre signé Nicolas Sarkozy ce matin, toujours dans le JDD. François Molins avait critiqué les propositions du candidat à la primaire, les Républicains, pour lutter contre le terrorisme. En l'occurrence, de placer les fichiers S en rétention et de créer un parquet national antiterroriste. L'avenir en commun, c'est le nom du programme de Jean-Luc Mélenchon. Il le baptisait hier lors de la fête de l'humanité. À gauche de la gauche, toujours les frondeurs prennent aussi la parole ce week-end, réunion à La Rochelle. Ils ont de nouveau réclamé une grande primaire des gauches en vue de la présidentielle. Les sports, le football, Monaco leader de Ligue 1 après 4 journées. Monaco qui est allé écraser Lille hier soir 4-1. Lyon par contre n'avance pas, défaite 3-1 à domicile face à Bordeaux. Même score pour Angers face à Dijon. 2-0 pour Nancy à Lorient, Bastia bat Toulouse 2-1, un partout entre Guingamp et Montpellier. 8h31 sur RMC. François Sorel, Jean-Luc Moreau, messieurs, votre auto. Et prochain point sur l'actualité tout à l'heure dans une demi-heure, Thomas. On repart tout de suite avec vos questions auto au 32-16. À tout de suite. RMC. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Jean-Luc Moreau, attention, chaussez votre casque, allumez votre micro, c'est l'heure de la question flash. Are you ready? Oui, vous avez le rythme dans le sang, ça ouais, se voit. C'est hein. ça. La question de Gérard, Jean-Luc, quel intérêt d'installer une caméra embarquée? Bah ça dépend, vous filmez à l'extérieur vers l'avant ou vous vous filmez vous quand ouais. vous mettez une caméra embarquée? Il faut plus mettre le doigt dans le nez parce que là après il y a des preuves. Ah bon, des preuves ou ça? Ah oui, non, oui, si des preuves filme. Si vous filmez. Oui, non, en général on filme ce qu'il y a devant la voiture. Ouais. Vous savez, il y a des petits systèmes qui s'accrochent sous le rétroviseur qui enregistrent en plus en full HD hein. Donc vous avez la première chose, c'est que vous pouvez le soir quand vous arrivez chez vous sortir la carte mémoire et revivre les embouteillages que ça, vous avez vécu dans la journée. Ça c'est bien. Ça c'est un super film. Non, non, non. Ça sert surtout de preuve puisque vous savez que en fait le droit pénal donne le principe de la liberté de la preuve. Donc si par exemple vous êtes verbalisé par un agent qui estime que vous êtes passé au feu rouge et non, le feu était orange voire même vert au moment où vous êtes passé dans le carrefour, si votre voiture a filmé tout ça, bah vous pouvez devant un juge prouver que vous n'étiez pas passé au feu rouge. Donc alors c'est au juge d'accepter ou non la preuve que vous lui fournirez. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, en cas d'accident, souvent, les responsabilités sont assez difficiles à établir parce que chacun a sa version des faits. Donc là, au moins, vous avez une version totalement indépendante. Alors en plus, ce qui donne du crédit à ces enregistrements, c'est que vous avez l'horaire et l'endroit d'indiquer. Oui, parce qu'il y a un GPS. Exactement. Et vous ne pouvez pas le modifier. Donc on sait exactement à quelle heure, à quel endroit les images ont été enregistrées. Et ça, c'est une preuve qui peut faire changer d'avis. D'une part, votre assureur, et dans un deuxième temps, si l'assureur n'a pas changé d'avis, faire changer le juge, exactement. Donc, c'est quelque chose qui tend à se développer de plus en plus. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il est 8h34, c'était RMC, le week-end des experts. Bon dimanche! Jean-Luc est là, à mes côtés, avec l'essai de la semaine dans un instant. La Peugeot 2008 PureTech 110 BVA, elle a été relookée légèrement cette 2008. Exactement, on et puis surtout elle est dotée là, du petit moteur essence 3 cylindres PureTech 110 chevaux et de la boîte automatique EAT6. Et le cocktail des deux, franchement... Hop, n'en dites pas trop. Le cocktail des deux, franchement... Voilà, on verra un petit peu ce que vous en avez pensé dans quelques instants. Peut-on changer un numéro d'immatriculation disgracieux? C'est vrai que parfois, on peut avoir des lettres un peu... PT, caca, PQ, VC... C'est pas terrible. Est-ce PD, qu'on peut changer? Tiens, on peut aller voir quelqu'un, la préfecture, en disant, écoutez, voilà, ça me plaît pas. On va en parler dans une minute aussi. Et vos questions auto au 3216, on accueille tout de suite Gilbert qui est là. Bonjour oui, Gilbert. Bonjour Gilbert. François Sorel et Jean-Luc Moreau, et puis une bise à votre sympathique assistante. À notre productrice Aurélie. Ma question. Voilà, mais Aurélie vous embrasse aussi Gilbert, elle vient de me le dire. Elle est adorable. Elle est très adorable. Alors ma question, c'est très simple. Y a-t-il un inconvénient, Jean-Luc, à acheter une voiture hybride 4 diesel, boîte auto, en l'occurrence une 3008 de 2014, dès lors qu'on fait 15 000 km environ par an et que la voiture risque d'être immobilisée les trois mois d'hiver où je pourrais aller me balader un petit peu. Gilbert, 15 000 km comment? 15 000 km d'une traite ou 15 000 km 15 km par an. Quel type de trajet pour être plus clair? Un petit peu tout, ça serait mixte, ça serait du trajet mixte. Et pourquoi vous voulez un 3008 hybride? Alors, c'est simplement parce que c'est une très bonne occasion. C'est l'occasion d'une voiture d'un copain qui la lâche là, un prix intéressant et qui est une voiture très confortable et qui est au demeurant très sympa à conduire, qui est très économe en carburant quand on est sur la route. Non. C'est une voiture qui a beaucoup de qualité, mais qui pour être intéressante au niveau de l'usage déjà doit pas rester dans un garage trop longtemps. Parce que les batteries, on vient de parler de batteries, à l'instant, l'auditeur qui demandait quelle était la durée de vie des batteries. Donc là, on est sur de la technologie nickel métal hydrure, donc une technologie un peu plus ancienne que les batteries lithium-ion d'aujourd'hui. Et cette techno, elle n'aime pas les longues périodes d'inactivité. Donc bon, déjà, votre batterie, elle va pas durer ce que j'ai dit avant, là, quand je disais 15 ans, 10 ans, 15 ans. Votre batterie, si vous, pendant 3 ou 4 mois, vous laissez la voiture dans un coin, ça, la batterie, elle aime pas. Très bien. Première chose. Même si elle est chargée. D'accord. Elle va gentiment se décharger. C'est pas tant ça, c'est l'inactivité que ça n'aime pas. D'accord. Voilà. C'est un peu comme si. Qu'est-ce que vous disiez, Gilbert? Oui, et quant à la motorisation, est-ce qu'il y a des risques justement à laisser immobiliser le véhicule 2-3 mois ? Non, 2-3 mois, ça va. Si vous m'auriez dit, ça reste pendant un an. Alors, ce que vous avez intérêt à faire, ce que vous pouvez faire, c'est acheter dans les centres auto les chargeurs modernes. Là, ça s'appelle des chargeurs qui font du floating. Youpi ! Ça ne veut pas dire qu'on les met dans l'eau et qu'ils flottent. Hein. Ça veut dire qu'ils chargent votre batterie, qu'ils maintiennent un niveau de charge. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, en fait, bon, ça consomme très peu. Hein. Et puis, ça vous permet, quand vous arrivez, d'avoir une batterie qui est toujours en pleine forme, plutôt que de débrancher, parce que quand on débranche et qu'on rebranche, il faut réinitialiser plein de choses après. Il y a des voitures pour lesquelles il faut aller chez le concessionnaire. Ah, oui, c'est dingue. Alors, donc, c'est à éviter. Mais ces chargeurs-là, franchement, aujourd'hui, pour 50€, on doit trouver un truc comme ça. Vous laissez brancher sur une prise chez vous, sauf si votre maison de campagne vous coupez le courant quand vous êtes parti. Auquel cas, ça fonctionnerait pas. Donc il y a ça. Pour tous ceux qui stockent aussi des voitures comme ça pendant plusieurs mois sans rouler, un conseil important, c'est de surgonfler les pneus. Tiens. Parce que les pneus, à ne pas bouger, ils vont se déformer. Et ça, c'est mortel pour les pneumatiques. Donc, alors que si ils sont surgonflés, la pression de l'air à l'intérieur évitera qu'ils s'affaissent. Donc vous mettez 3,5 kg, 4 kg, c'est aucun risque. Ouais, vous mettez 4 kg dans les pneus, et puis vous pensez quand même à redégonfler au moment de rouler, sinon votre voiture, elle va pas bien tenir la route. Hein. Donc faut pas oublier. Voilà. Donc, si une voiture est restée très longtemps sans tourner, ce que je vous conseille avant de la redémarrer, alors si c'est un véhicule essence, c'est facile, vous débranchez la bobine, c'est de faire tourner, alors évidemment, faut que la batterie soit bien chargée, c'est de faire tourner le démarreur, de faire tourner le moteur sans allumage du moteur. D'accord. Soit vous coupez l'arrivée de carburant, si vous avez un diesel, si la pompe est désamorcée, tant mieux, vous donnez des coups de démarreur, sans que le moteur démarre, voilà, ce qui permet de faire monter la pression d'huile. Ah oui, parce que si le moteur n'a pas tourné depuis longtemps, votre pression d'huile au moment où vous allez démarrer, s'il démarre au quart de tour ou pas loin du quart de tour, pendant la première seconde, il va tourner pratiquement sans huile. Ça, c'est franchement c'est pas bon du tout. Donc vous faites monter quand il tourne avec le démarreur, il tourne pas vite et ça suffit à amorcer la pompe à huile. Et au moment où vous démarrerez, il y aura une bonne lubrification. Notre bon plan auto à 8h40 sur RMC. Peut-on changer un numéro d'immatriculation disgracieux? Genre, vous avez JLM à l'arrière de votre véhicule et vous ne supportez pas d'être associé à la plaque d'immatriculation de Jean-Luc Moreau. Déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, si vous avez JLM, c'est que vous avez une fausse plaque parce que normalement, vous devez avoir que deux lettres. Deux lettres, voilà. Alors, donc, déjà, alors, retour à la case départ. D'accord. Mais c'est vrai que si vous avez, caca, par exemple, WC, caca, ça va bien ensemble, PQ, même vous pouvez pouvoir ajouter. Ou même QQ, quoi. Ou PT, voilà. Ou PD, qu'est-ce qu'on peut faire là? Eh ben, vous pouvez rien faire. C'est vrai? Vous pouvez rien faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la gestion nationale des immatriculations, depuis le système SIV, le nouveau système qui est rentré en vigueur en 2009, depuis le SIV, alors pas au début du SIV, mais maintenant, le SIV a une gestion qui est entièrement automatisée. C'est un ordinateur qui vous fournit... Qui attribue la plaque, le numéro. Donc, vous pouvez toujours essayer d'appeler l'ordinateur pour lui demander de changer. Ouais, c'est ça. Donc, il y a malheureusement absolument aucune chance de pouvoir changer une immatriculation. Et en plus, quand vous l'avez aujourd'hui, la voiture, elle l'a pour la vie. Non, mais ce qu'ils auraient pu faire, c'est peut-être... enlever certains, parce que bon, alors, il y a des statistiques, il y a énormément de plaques qui peuvent sortir. Ils avaient envisagé justement de retirer certaines associations. De lettres disgracieuses. En fait, la seule qui a été retirée, et ça c'est la loi qui l'impose, c'est SS. Ah bon? Vous n'aurez pas d'immatriculation SS parce que oui, c'est le code pénal qui interdit, alors je vous lis tel quel, hein, il réprime le port ou l'exhibition d'un signe emblème rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité. D'accord, donc SS. Donc vous n'avez pas le droit d'avoir une immatriculation SS. Donc ça a été retiré. Tiens. Il n'y a aucun pays où vous n'aurez de voiture avec une immatriculation SS. Il y a des lettres qui ne sont pas utilisées. Il y a le I et le O pour pas les confondre avec le 1 et le 0 et il y a le U pour pas le confondre avec le V. Voilà. Bon, sorti de ça, après, vous pouvez avoir n'importe quoi. Alors, il y a quand même aujourd'hui plein de sites qui recensent les numéros actuels. C'est-à-dire que vous pouvez très bien savoir à peu près où on en est. Ouais. Hein, si vous êtes par exemple dans les PQ, vous pouvez attendre que voilà que le rouleau soit fini. Que le rouleau soit fini. Exactement. Que vous soyez au bout du rouleau. Voilà. Exactement. Alors, moi, je trouve ça, franchement, je vous donne mon sentiment à moi. Oui. Je trouve ça très. J'allais dire c'est deux petits points, mais oui. Je trouve vraiment idiot que l'État qui a besoin d'argent n'ait pas envisagé de pouvoir commercialiser des numéros d'immatriculation, comme ça se fait dans pratiquement tous les pays d'Europe. Combien de fois vous voyez en Angleterre des voitures immatriculées la voiture du saint ST1 Simon ouais, Templar. C'est-à-dire que dans certains pays on peut acheter son numéro. Vous achetez l'immatriculation. On achète la personnalisation de son exactement, numéro. Exactement, vous achetez la personnalisation du numéro. Par exemple à Hong Kong, même les plaques sont vendues aux enchères. Tiens. Et le numéro 8 qui est un porte-bonheur pour les Chinois. Il doit s'arracher, ça va coûter une fortune. Oui, le numéro 8, alors je sais pas où on en est aujourd'hui, est-ce que la plaque a été revendue ou pas, mais on compte en centaines de milliers d'euros. C'est dingue. Voilà. Donc, alors, sans en arriver à des cas extrêmes comme celui-là, on pourrait imaginer que pour 100, 150, 500 euros, tout dépend de la plaque qu'on veut, que l'État français accepte qu'il y ait certaines plaques personnalisées. C'est ridicule. Ouais. C'est ridicule. Alors, autrefois, quand on allait à la préfecture, on pouvait négocier. Moi, j'ai eu une moto qui était une Yamaha FJ 1200 et la dame de la préfecture avait été très sympa. C'était une jeune qui faisait de la moto et dans les IMAT, on était déjà dans les FJ. Elle m'a dit « Ah, vous avez de la chance !» Et on était à 1000 et quelques. Et elle m'a dit « Je vous passe directement à 1200. » Donc, j'avais une immatriculation 1200 FJ 92 qui correspondait exactement à ma moto. Ah, c'était absolument incroyable. Mais c'était une fleur qu'on m'avait fait à la préfecture. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. 8h44, Jean-Luc, on revient dans un instant avec l'essai de la semaine, la Peugeot 2008 PureTech. Et puis Anita sera là qui recherche une petite citadine avec un coffre et un modèle essence. On en parle dans un instant avec elle. À tout de suite. RMC jusqu'à 10h. Votre auto. Jean-François Copé, député maire Les Républicains de Meaux face à Jean-Jacques Bourdin, demain 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, Jean-François Copé. RMC Bourdin direct, 6h-10h. Vivez vos émotions à 100% en découvrant l'application MyPMU. Recevez les cotes en temps réel et préparez vos paris avec des alertes personnalisées. MyPMU, l'application qui vous aide à parier en point de vente. À télécharger sur votre mobile. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Pourquoi t'as choisi le forfait mobile free? J'ai la 4G, ça charge méga vite. Et maintenant jusqu'à 50 gigas d'internet par mois. Et bien sûr les appels, SMS et MMS en illimité. Forfait mobile free, 19,99€ par mois. Offre soumise à condition, 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. RMC Basket. Salut, c'est Tony Parker sur RMC. Retrouve-moi à l'Apart City Cup. Pour son dernier match en France, Tony Parker vous donne rendez-vous à Nantes Métropole le week-end prochain. Un show à l'américaine avec le Bayern Munich, le club espagnol de Valence, l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, l'AS Monaco et Nanterre 92. Toutes les infos sur apartcitycup.com. L'Apart City Cup avec RMC. Bon. Alors, tu veux quoi comme cadeau? Je sais pas. Soit un ordinateur, ou une tablette, ou sinon un smartphone. J'hésite. Qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture? Un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent de même. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249€ par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour un Nissan Qashqai Vizia DGT 115 et l'LD 49 mois avec 2000€ d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Nous voilà de retour, 8h46, c'est RMC. Et notez qu'à 9h, la météo et les infos, bien entendu. L'essai de la semaine dans un instant, Jean-Luc. Mais auparavant, nous accueillons avec plaisir Anita, qui est là. Bonjour Anita. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Anita. Bonjour Anita. Voilà. J'ai actuellement une Kia Picanto Premium Essence. Oui. Mais elle a un tout petit coffre et j'ai régulièrement du matériel à transporter. J'aimerais une citadine en puissance, pas plus puissante, mais avec un plus grand coffre. Est-ce que vous pourrez m'indiquer quelque chose? Bah, tout dépend de votre budget. Le budget, c'est pas dans les 15 000 euros. Oh, bon, ça laisse quand même largement du choix. Alors, quelque chose d'un peu... Ça sera forcément un peu plus grand que votre Picanto, hein, parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Il n'existe de voiture microscopique avec un coffre gigantesque. Oui, ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Bon, en la matière, dans les petites voitures, vous avez la Fiat Panda, qui reste une voiture relativement compacte, avec un grand coffre. Dans sa catégorie, c'est la voiture qui a le plus grand coffre. Voilà. Ah, bon, après, faut aimer le design. Il faut relativiser. C'est un grand coffre. Par rapport, oui, non, mais attendez, quand voilà, je dis un grand coffre, évidemment, vous n'allez pas pouvoir charger un canapé dedans. Ça, c'est clair. Après, dans les autres modèles, alors, les voitures françaises, la Peugeot 208 ou la Renault Clio, sont des voitures qui ont des coffres dans la catégorie, ce qui sont très respectables. Alors, c'est des voitures qui dépassent les 4 mètres, là, pour le coup. Donc on est, c'est ce qu'on appelle des citadines, mais c'est des citadines qu'ont bien grandi par rapport aux citadines qui, il y a 15 ans, mesuraient 3,50 m. Maintenant, on a dépassé les 4 mètres. Donc là, vous avez, alors pour le budget que vous avez quand même du choix. Hein. Picanto, elle vaut dans les 14 000 euros actuellement. Donc si je la revends à peu près, elle n'est pas vieille, elle a que 2 ans. Si je la revends, j'obtiendrai quand même... une douzaine peut-être de... À mon avis, là, vous êtes un peu optimiste. Ah, vous êtes plutôt 10. Un tout petit peu optimiste, oui, plutôt 10, peut-être même un petit peu en dessous. Le problème, c'est que il y a pas mal d'offres. Ça se revend bien, la Kia Picanto? Oui, parce que c'est une voiture qui a une bonne réputation de fiabilité, et c'est vrai que c'est une voiture citadine vraiment, pour le coup, là, puisqu'elle est très compacte. Donc... Et il y en a relativement peu sur le marché. C'est plus simple à vendre que si vous avez une 207 ou si vous avez une Clio 3, par exemple. Il y en a partout dans les annonces. Donc, vous avez ces deux offres-là où vous avez la Yaris de Toyota qui offre un coffre. Alors, l'ancienne Yaris avait un avantage, c'est qu'elle avait une banquette coulissante derrière et la nouvelle n'a plus cette banquette coulissante puisque comme il y a une version hybride, Toyota a fait le choix de tout standardiser. Donc comme sur l'hybride, il ne pouvait pas y avoir de banquette coulissante, il n'y en a pas. Mais qui offre, alors pour le coup, elle est un petit peu inférieure à 4 mètres en longueur, donc un peu plus compacte que les autres. Dans les tarifs, je ne sais pas quel type de motorisation vous voulez, mais vous n'avez sans doute pas besoin d'un moteur très puissant et un moteur 69 chevaux, vous trouverez, alors chez les mandataires, on trouve des tarifs très intéressants à partir de 12 000 euros pour ce modèle-là avec un coffre un peu plus grand que ce que vous aviez sur la Picanto. Mais la Picanto, c'était vraiment, c'était vraiment rikiki. Un donc, tout petit truc. Ou la Fiat Panda. Merci Anita. Et tout comme Anita, à tout moment, vous pouvez nous joindre le 3216 ou auto@rmc.fr. Jean-Luc, l'essai de la semaine maintenant, c'est la Peugeot 2008 PureTech 110 chevaux BVA. Alors la Peugeot 2008, pas nouveau, hein. C'est un petit SUV, mais qu'on qualifiait plutôt de break surélevé. Vous voyez, qui était pas Peugeot n'avait pas franchi vraiment le pas. Ils étaient hésitants. Ils se sont dit, est-ce que on conserve? On avait une clientèle traditionaliste, donc est-ce que on garde l'aspect un peu break ou est-ce qu'on franchit le pas pour faire du SUV? Ils s'étaient tâtés sur la première génération. La voiture a eu du succès quand même, mais le principal concurrent, le Renault Captur, lui qui avait clairement misé la carte du SUV, se vend mieux que le 2008. Donc, on corrige le tir chez Peugeot. On restyle tout ça. On restyle tout ça et on lui donne un look vraiment beaucoup plus baroudeur, à tel point d'ailleurs que maintenant il fait plus baroudeur que le Renault Captur. Alors, calandre plus vertical, des élargisseurs d'ailes, des bas de caisse plus imposants. Alors sur à partir de la finition allure, vous avez une calandre à facettes chromées. Franchement, la voiture a réellement gagné avec peu de modifications. Elle a vraiment gagné en caractère. C'est ce qui lui manquait. Ouais. Elle était trop fade extérieurement. Ouais. C'était mon avis. Et là maintenant, elle est plutôt mimi. D'accord. Comme quoi un petit peu. Je suis sûr qu'un peu de maquillage, ça vous irait très bien, écoutez, François. Tout comme vous le samedi soir. Hein. Alors, il y a de nouvelles finitions qui sont disponibles, en particulier GT Line, c'est celle de mon modèle d'essai. Alors, outre la présentation un peu plus sportive, hein, notamment dans l'habitacle, vous avez des surpiqûres sur les matériaux. Alors, je sais pas si les bords des sièges c'est du cuir ou pas. Ah. Je me suis posé la question ce matin en venant. Faudra que je vérifie ça. Il y a pas l'odeur de cuir dans la voiture. Non, mais vous savez, les cuirs sont désodorisés maintenant. Et ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des clientèles dans le monde, et en particulier les Asiatiques, qui détestent l'odeur du cuir. D'accord. Ce que nous on trouve sympathique, ils trouvent que ça pue. Alors donc forcément, on désodorise les cuirs pour tout le monde. On va pas faire des cuirs odorants pour l'Europe et des cuirs désodorisés pour vendre dans les pays asiatiques. Alors cette finition GT Line, elle a le grip control qui est bienvenu quand l'hiver arrive, ce qui évite donc d'attraper la grippe, qui est le système, vous savez. Ça faisait un moment que vous la sortiez pas. Ouais, vous savez, vous regardez la télévision, vous avez une télé chez vous maintenant. Ça oui, depuis peu. Un tube cathodique. Ouais, un tube cathodique Trinitron. Ouais, ça c'est bien. Parce que j'en ai un à la maison, hein. Qui marche très bien, hein. Je sais très bien. Franchement. Alors, vous savez, c'est cette petite molette là qui permet, on voit dans la pub d'ailleurs. Alors, le 2008, qui est dans la publicité, je me demande même si c'est pas celui avec lequel je suis venu ce matin, parce que j'ai la même couleur. Et donc qui permet de changer, et c'est ce qu'on appelle de la motricité renforcée qui permet, on fait varier le bouton sur la neige, on n'a pas quatre roues motrices mais ça améliore la motricité sur le mouillé pour les gens qui circulent par exemple l'hiver en montagne, c'est pas du gadget, d'autant que la voiture est équipée de séries de pneus qu'on appelle 4 saisons, donc qui sont également à l'aise dans la neige. Donc alors c'est un choix qui pourrait être très intéressant pour quelqu'un qui habite en montagne par exemple. Alors à l'intérieur, je vous ai dit, dehors, il y a quelques petits changements cosmétiques qui sont les bienvenus. À l'intérieur, les changements sont quasi inexistants. Mais pour moi, le 2008 avait un coup d'avance sur le Captur en termes de qualité des matériaux et de présentation. C'est plus moderne que dans le Captur. Bon, le Captur a quelques avantages malins, comme par exemple les sièges déhoussables, que n'a pas le 2008. Et puis le 2008 conserve un truc que moi je trouve pas bien, on va le dire tout de suite. C'est, vous savez, il y a le petit volant avec les compteurs en hauteur. Et moi, quand je suis au réglage, j'ai juste la jante du volant qui passe devant les compteurs. Ah, ça, c'est embêtant. Franchement, c'est très agaçant. C'est dû à votre taille un peu particulière. Oui, c'est ça. Bah oui, avec Est-ce que quelqu'un normalement constitué n'a pas ce problème? On va dire que 80% des gens normalement constitués ont du mal à régler parfaitement. Mais ça, c'est un problème, ça. Il n'y a pas un ingénieur qui s'est posé la question. Si, mais je pense que lui doit avoir un tronc qui fait 1m50 de haut et des jambes de 15 cm. Et donc, il s'est installé et dit, c'est nickel. C'est super, on va garder ça comme ça. C'est nickel. C'est impeccable. C'est dingue. Donc, sur ce 2008 restylé, vous avez alors un nouveau couple qui est disponible. C'est pas David et Jonathan. C'est la boîte EAT6, donc boîte automatique d'origine japonaise Eizin, et le moteur 1 litre de PureTech 110 chevaux que moi je trouve très bien. Et franchement, le mariage des deux. Alors c'est 1 300 € de plus que la boîte mécanique, mais ces 1 300 € sont largement compensés par un agrément de conduite qui est vraiment très bon. Ce moteur déjà PureTech, moi je l'adore parce qu'il a du couple à bas régime. Trois cylindres. Il a de la pêche, vous avez d'excellentes reprises. Il y en a qui n'aiment pas son bruit. Moi je trouve qu'il est plutôt un bruit sympa. J'aime bien le bruit des trois cylindres. Ouais. Ça me rappelle le bruit des six cylindres et quelque part c'est quand même bien. Il a une autre grosse qualité, c'est que même avec une boîte automatique, à moins de rouler comme un journaliste, on est toujours en dessous de 6 litres au 100. Je dis pourquoi à moins de rouler comme un journaliste? Parce que tous mes petits camarades qui ont essayé la voiture, j'ai vu des consommations, je me dis, mais c'est pas possible, comment ils font, quoi? Ils appuient sur le champignon comme des malades, non? En venant ce matin, j'étais à moins de 5 litres, j'étais à 4,9 litres. Bon, il n'y a pas grand monde sur la route, c'est vrai que c'est tranquille, je roule tranquille, mais en roulant normalement, on est, la moyenne réelle, c'est entre 5 litres 8 et 6 litres 2, vraiment, si on a le pied un peu plus lourd. Voilà. D'accord. Donc, franchement, très économique. Le châssis n'a pas évolué, pas beaucoup. Tant mieux. C'était la référence de la catégorie. Donc ça, c'est plutôt bien. Et le prix, lui, il a évolué ou pas? Alors, le prix, le restylage se traduit par une énorme inflation de 50 euros. 50 euros, c'est énorme. Option équivalente, modèle équivalent, Oui, exactement. Bon, alors après, quand on monte en gamme, la hausse est un peu plus importante, mais on a des équipements supplémentaires. hein, ça peut aller, la hausse va jusqu'à 750 €. Mais comme on a plus d'équipement, au final, d'accord, on va le dire clairement, il est au même prix que l'ancien. Mais il ça est, coûte combien il est mieux, il est mieux. Alors, vous voulez celui que j'avais. Mon modèle, 1,2 litre PureTech GT Line, avec la boîte automatique, avec le GPS, le freinage d'urgence, la caméra de recul, etc. 24 000 €. D'accord. Bon, mais ça, c'est le haut de gamme. Ça, c'est le haut de gamme. Ça démarre à 16 000 €. Ouais. Et ça, c'est le tarif catalogue. Et évidemment, ça se négocie chez les concessionnaires ou chez les mandataires. Voilà. C'est un tout petit peu plus cher que le Captur. Mmh. Mais moi, je préfère le moteur du Peugeot. C'est dit. Jean-Luc, on revient après la météo et les infos de 9h sur RMC. Faut-il rouler au super éthanol 85? On va revenir aussi sur cette polémique des groupes sur Facebook qui indiquaient les radars. Rappelez-vous, ça fait un moment que cette histoire dure. Et puis on retrouvera l'actualité de la semaine avec automoto.com. A tout de suite après la météo et les infos de 9h. RMC jusqu'à 10h. Votre auto. Bonne nouvelle, à partir de demain sur RMC, tentez de gagner votre tablette tactile dans tous les shows. Bourdin Direct, Les Grandes Gueules, Radio Brunet, 100% Bachelot, le Super Moscato Show et Team Dugas. Une tablette tactile par show, 6 tablettes par jour, c'est pour vous. Écoutez RMC de 6h à 20h et devinez le code pour déverrouiller la tablette. Premier jeu demain dès 6h dans Bourdin Direct sur RMC. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné, un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 €, tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 septembre selon autorisation. Tu sais qui est en tête du championnat de Ligue 1? La nouvelle appli du Figaro. Et tu sais qui va se présenter aux primaires? La nouvelle appli du Figaro. Tu connais un bon restaurant dans le coin? La nouvelle appli du Figaro. Politique, économie, sport, art de vivre. Pour vivre l'actu comme si vous y étiez, personnalisez votre actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Nouvelle application du Figaro, l'info en temps réel. Eric, sociétaire Massif. Mon entreprise, c'est toute ma vie. Mais j'ai peu de temps pour la paperasse. Grâce à la Massif, j'ai le pouvoir d'être bien accompagné. Un conseiller spécialisé m'a aidé à choisir la complémentaire santé la plus adaptée à mes salariés et à moi-même. Bilan, nous sommes bien protégés et mon entreprise se porte mieux. Massif, essentiel pour moi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur massif.fr. Les contrats garantie santé entreprise et garantie santé des indépendants proposés par le Massif sont assurés par Massif Mutualité, mutuelle régie par le livre 2 du Code de la Mutualité. La météo de ce dimanche, c'est un peu gris, Yasmina Benbelkaï, en tout cas sur Paris. Oui, c'est un peu gris, François. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites pluies entre la Gironde, la région centre, l'Île-de-France et les Ardennes ce matin. Ailleurs, c'est une belle matinée, parce qu'il n'y a pas que Paris. Mais au fil des heures, cette pluie faible va disparaître. Mais le ciel restera quand même un petit peu nuageux, notamment entre le bassin parisien et les frontières belges. Quelques averses également, des orages sur les Alpes frontalières et la montagne Corse cet après-midi. Mais sinon, partout ailleurs, c'est une belle journée ensoleillée. Demain lundi, on aura un beau temps ensoleillé pour tout le monde, avec des températures en hausse. Hein. Il va faire chaud demain, 30 degrés en moyenne au nord et 33 degrés en moyenne au sud. Mardi, il va y avoir une dégradation qui arrivera par l'Atlantique. Ailleurs, il fera encore très chaud. Mercredi et jeudi, on attend des pluies soutenues dans le sud. Et vendredi, ça sera le retour des températures de saison, c'est-à-dire 21 degrés en moyenne au nord et 24 degrés en moyenne au sud. En attendant, les températures cet après-midi, à peu près comme hier, 20 degrés à Cherbourg, 21 degrés à Brest, 22 à Lille, 24 degrés cet après-midi à Paris, 29 à Clermont-Ferrand, 31 degrés à Toulouse et à Perpignan et 33 à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 15h, Football Ligue 1, Nantes-Metz, suivi de Rennes-Caen. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc Toulouse-Toulon. Et à 20h45, retour à la Ligue 1 avec Nice-Marseille. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 9h, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, 8h46 heure de New York, 14h46 heure de Paris. Il y a 15 ans, jour pour jour, l'Amérique frappée par le terrorisme, jour de commémoration ce 11 septembre. La politique en France est la gauche de la gauche qui se cherche et manifestement ce n'est pas la fête de l'humain qu'elle fait recette. Fête devenue musicale plus que politique. Et puis le sport, le football, Nice-Marseille, c'est l'affiche ce soir sur RMC. Une question, Nice est-il devenu le grand club du Sud? Il est 9h sur RMC. Bonjour à tous. C'est le genre de date dont tout le monde se souvient. Tout le monde sait ce qu'il faisait le 11 septembre 2001, ce jour où l'Amérique vacillait, frappée comme jamais par le terrorisme. Deux avions venaient heurter puis détruire le World Trade Center. Un autre frappait le Pentagone 15 ans après. Histoire ce matin de ceux qui ont vécu le cauchemar. Rita, restauratrice française, était à New York ce 11 septembre. La veille, j'ai fait goûter en fait du Calvados, de l'Armagnac, du Cognac à trois personnes. Et en fait, ils n'ont pas pu aller travailler le lendemain matin, parce qu'ils ont eu la gueule de bois. Ils travaillaient au 86e étage dans les tours jumelles et moi je l'ai su qu'après, puisqu'ils sont arrivés une quinzaine de jours après avec une gerbe de fleurs en me disant bah, merci de nous avoir sauvé la vie. J'ai vu toute la tristesse du monde sur leur visage. Ils avaient perdu tous leurs amis et quelque part je leur avais sauvé la vie. Est-ce que c'est le destin? J'en sais rien, mais c'est un moment de ma vie gravé à jamais. Voilà, témoignage recueilli par Claire Checaglini. Le terrorisme qui frappe la première puissance mondiale en 15 ans, Philippe Gassot, l'Amérique a profondément changé. Il y a 15 ans, les Américains devaient admettre qu'ils n'étaient plus invulnérables et que leur suprématie avait fait son temps. Le pays est toujours en état d'urgence. La Bible du droit, c'est encore et toujours le redoutable et liberticide Patriot Act voté le 25 octobre 2001. Il y a aussi Guantanamo où un prisonnier peut être détenu sans jugement et sans limite. L'Amérique, au nom de la sécurité, a accepté cet état de non-droit. Les écoutes, les perquisitions, elle a eu du mal à renoncer à la torture, pas encore aux assassinats ciblés ou au drone dévastateur. Celui qui, avant les attentats, était un original, est devenu un suspect. Le délateur est devenu, lui, un patriote. L'Amérique est un pays en état de siège. Une guerre peut éclater à tout moment. Le terrorisme et la sécurité obsèdent la campagne présidentielle. Elle sera d'ailleurs interrompue aujourd'hui pour cause de 11 septembre. Philippe Gassot, le correspondant d'RMC aux États-Unis. La première mise en examen dans l'affaire du commando des femmes djihadistes qui a notamment tenté de faire exploser une voiture à deux pas de Notre-Dame à Paris la semaine dernière. Première mise en examen d'Ornella, 29 ans. Ses traces ADN ont été retrouvées dans le véhicule. Véhicule rempli de bonbonnes de gaz. Et justement, depuis une semaine, les alertes de ce genre se multiplient partout en France. Nicolas Comte, du syndicat de police SGP, l'a constaté. Dans le contexte actuel, on va être extrêmement prudent en cas de découverte de bouteilles de gaz. Les gens vont être beaucoup plus attentifs s'ils voient une bouteille de gaz quelque part. Donc ça peut donner lieu à une multiplication des appels au service de police. Donc il y a évidemment des consignes d'une part de grande prudence et d'autre part de grande précision et de grande rigueur aux effectifs de police pour traiter toutes ces alertes avec beaucoup de sérieux. Et Nicolas Comte, interrogé par Marie Régnier. Le principe de précaution appliqué à la lutte contre le terrorisme, Nicolas Sarkozy réitère ses propositions dans le journal du dimanche ce matin. Placer les fichiers S en rétention, créer un parquet national antiterroriste. François Hollande n'a pas tout fait pour écarter la menace, explique Nicolas Sarkozy. Et puis toujours dans le JDD ce matin, la réaction du ministre de la Justice après l'agression de deux surveillants de prison cette semaine. Jean-Jacques Urvoas souhaite durcir les conditions de vie des détenus radicalisés. Multiplication des fouilles et surtout changement de cellules récurrents, c'est ce qu'il propose. Mais c'est insuffisant pour Jean-François Forget du syndicat de surveillants IFAP. Le professionnel que je suis reste très amer parce que c'est de la mesurette sur les sujets les plus importants pour lesquels il faut prendre un véritable virage, et ben on le prend pas, quoi. Il veut sécuriser les unités dédiées, mais il pourra matériellement pas le faire. Il rajoute des missions supplémentaires, mais sans avoir plus de personnel pour les effectuer. Depuis lundi, nous avons déjoué au sein de nos prisons 9 projets de tentative d'assassinat dans un acte terroriste d'un personnel pénitentiaire. 9 projets en 5 jours. Jean-François Forget, interrogé ce matin par Anaïs Sens. L'avenir en commun, c'est le nom du programme de Jean-Luc Mélenchon. Il le baptisait hier lors de la fête de l'humanité, rendez-vous annuel des communistes, qui les années passant perd de son caractère politique. Sondage dans Le Parisien ce matin, 3/4 des Français voient la fête de l'humanité comme un rendez-vous musical. Antoine Perrin, vous l'avez d'ailleurs constaté hier, la politique est loin très loin. Dans les allées du festival, on croise d'ailleurs beaucoup de militants en train de danser plutôt que de réfléchir à l'avenir du Parti communiste. Ici, les têtes d'affiche ne sont pas Jean-Luc Mélenchon ou Pierre Laurent, mais plutôt... Moi, je suis venue de Tours, spécialement pour voir Laurie Neal. Quand on a vu que c'était Michel Polnareff, on s'est dit on va y aller. C'est chill comme musique, c'est sympa. Et voilà. Bref, si Priscilla, 24 ans, est venue à la fête du Luma, ce n'est pas vraiment pour débattre de l'actualité politique. C'est vrai que parler de politique pendant deux heures, au bout d'un moment, hop, faut lâcher prise, faut aller se faire un bon concert et puis faut que ça soit vivant. Pour Arthur, la vingtaine, l'événement est d'abord fait pour s'amuser. C'est plus se défouler un peu et moins se prendre la tête. Mais aussi pour l'ambiance qui y règne, à vous, Mickaël. Tout le monde est posé, on écoute de la musique, tu danses. Non, c'est vraiment cool, franchement, c'est cool. Et en plus, c'est pas cher, 35€ les trois jours, c'est imbattable. En comparaison, une journée au festival Rock en Seine coûte 49€. Le reportage à la Courneuve d'Antoine Perrin, 9h06 sur RMC. Nice ou Marseille, qui est le plus grand club du Sud? Ils s'affrontent ce soir, mais déjà, rien que de poser la question montre bien que l'OM perd de sa superbe, quand Nice fonctionne plutôt bien, Florent Germain. Oui, Nice se stabilise en haut du classement de Ligue 1. Nice joue la Coupe d'Europe, Nice fait signer Balotelli, et si le rapport de force était en train de tourner à l'avantage des Niçois dans ce derby du Sud, Rod Fanny préfère en rigoler. Ça me fait rigoler parce que je respecte Nice, j'ai été niçois et il faut comparer ce qui est comparable. C'est pas du tout les mêmes clubs, et si demain il devait devenir au-dessus de Marseille, je pense qu'il va falloir pas mal d'années avant de pouvoir parler de choses comme ça. Franck Passy de son côté reconnaît que Nice est un club ambitieux, mais n'oublie pas de convoquer le palmarès de l'OM pour clore le débat. Ils ont montré qu'ils étaient capables d'attirer chez eux des joueurs de haut niveau, donc je pense que c'est un club qui veut progresser. S'ils veulent nous chamailler, on peut leur dire que à la petite étoile. Petite étoile et plus grand club du Sud à l'OM de le prouver encore ce soir. Et dans le Sud, il y a aussi Monaco. Attention, les Monégasques, leaders de Ligue 1 après leur victoire 4-1 à Lille hier soir. À l'inverse, Lyon s'enfonce tout doucement. Défaite 3-1 à domicile face à Bordeaux. Le top 14 de rugby, grosse victoire clermontoise hier soir. 47-10 face aux champions en titre, le Racing 92. Et puis en tête du classement, La Rochelle qui persiste. Et aujourd'hui, Toulon qui va tenter de se relancer après deux défaites sévères. Réaction indispensable face à Toulouse pour le troisième ligne, Charles Olivon. On a 4e match, on a une victoire, 2 défaites. Si on gagne à Toulouse, tout le monde aura la banane, tout le monde ira c'est reparti. Nous on pense au terrain, on discute pas de ça à côté. Non. Voilà, on va tout donner pour se reprendre de cette défaite qui n'aurait pas dû avoir lieu. Donc voilà, on a perdu un match à la maison, il faut qu'on aille le rattraper. Et puis la voile, test, entraînement à un an de la Coupe de l'América. Les immenses monocoques sont tous à Toulon ce week-end pour des régates préliminaires et du grand spectacle autour de l'équipe française, Camille Gelpi. Franck Hamas, un des plus grands marins français à la barre de cette Team France, l'affirme. La Coupe d'Amérique, c'est vraiment le championnat du monde des nations en voile. Et pourtant, le public français s'est souvent plus passionné pour la course au large, raconte Loïc Perron. C'est vrai que comme notre public français est très bien nourri par de belles histoires de solitaires en mer, on a du mal parfois à leur dire, regardez, il y a d'autres manières de s'exprimer sur l'eau, avec des régates qui durent 20 minutes et non pas 20 jours. Ce week-end est donc l'occasion pour beaucoup de découvrir une compétition spectaculaire qui se déroule sur d'immenses multicoques, très rapides, que l'on surnomme les Formule 1 des mers. C'est des bateaux assez magiques à avoir navigué, et puis ça atteint forcément des vitesses incroyables. Détail Franck Camas. C'est très très intense, il y a beaucoup de manœuvres. Donc il se passe toujours quelque chose, et même les non-fans de voile, je pense, peuvent vraiment apprécier ce genre de spectacle. Un spectacle fait de bateaux qui volent grâce aux foils, des ailerons qui propulsent le bateau hors de l'eau, à condition que le vent soit de la partie. Le reportage de Camille Gelpi à Toulon, 9h09 sur RMC. Les courses pour terminer, François. Avec un tiers écarté quinté plus cet après-midi à Chantilly, Sébastien Darras recommande le 3 Hello My Love. Et le 16 Starsen. Brahim Asloum, lui, nous conseille le 10 Zeppelin. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 9 Follet et l'As Écureuil. Et sachez que se disputera cet après-midi également le Qatar Prix Vermeil, 6e étape des Epic Series. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il est 9h10, c'est RMC, le week-end des experts. Le retour de l'automobile. On attaque notre deuxième acte avec Jean-Luc Moreau. Tout à l'heure, on évoquera les radars sur Facebook. Vous savez, ce groupe qui, il y a quelques années, s'était amusé à repérer les radars dans une région bien précise de France. C'est allé loin, cette histoire. Hein, puisque, bah oui, c'est allé jusqu'en cour de cassation voilà, qui vient de rendre son jugement. Et en justice, etc. On parlera tout à l'heure avec Maître Rémi Josson. On parlera également de l'actualité de la semaine avec Automoto. Alors, avec un essai du Renault Scénic 4, donc si ça vous intéresse, restez avec nous. La révélation du nouveau Peugeot 5008. Et puis... Alors attendez, ça c'est quand même une grosse info là, ce que vous allez me dire. Voilà. La fin du diesel chez Renault. Peut-être bientôt la fin du diesel chez Renault, on en parle tout à l'heure. C'est incroyable. Et après, je vous donne un petit scoop si vous êtes sage. Ah, j'aime bien les scoops de Jean-Luc. Je vous dirai par quoi va être remplacé le diesel. J'ai un peu peur. Non. C'est bien, c'est positif. On va faire une émission, on en parlera, parce qu'en plus, il y a une entreprise française qui est très en avance dans le domaine. D'accord. Cocorico. Le GPL. Pas du tout. Non, c'est même pas le chat. Non, mais je vous en dis pas plus. Bon, ouais, ça va être suspense. Mais pour débuter, on va parler carburant justement. Et on va parler alcool au volant. Non, mais attendez, pas alcool au volant, alcool dans le réservoir. Oui. Enfin oui, l'alcool est légal, mais si c'est la voiture qu'il boit. C'est ça la grosse différence. Et c'est le super éthanol E85. Alors on va parler principalement du super éthanol E85, on va parler aussi de l'éthanol. Alors super éthanol E85, avec un nombre de pompes, vous savez, pendant longtemps ça a stagné. On était aux alentours de 300 pompes et puis on a l'impression que d'un coup... Ça y est, ça s'excite. Je sais pas, alors j'allais dire il y a eu une explosion, mais avec... C'est pas forcément une bonne image. On a avec nous Gilles Dascoten, qui est responsable des nouveaux débouchés pour l'Association Générale des producteurs de maïs et des producteurs de blé. Hein. Je vous mets les deux ensemble, c'est pas gênant. Bonjour Gilles Das. Bonjour. Alors on est à combien de pompes aujourd'hui de super éthanol 85 en France? Alors au dernier pointage, nous sommes à environ 800, un peu plus de 800 stations, ce qui veut dire à peu près 10 par mois supplémentaires depuis 3-4 ans. Comment 800, on est 800, ça veut dire sur combien de stations en France? 15 000 à peu près. 15 000 stations service. Ok. Bon, mais vous avez 1500 stations de GPL, donc vous voyez, ça commence à se rapprocher, hein. Pourquoi est-ce que d'un coup les distributeurs décident de vendre de l'éthanol? Bah déjà parce que c'est un carburant renouvelable, donc c'est certainement un geste pour l'environnement. Plus sérieusement aussi, c'est un carburant qui est moins cher. Aujourd'hui, le litre de E85, super éthanol, est en moyenne à 71 centimes du litre. Ce qui veut dire que pour un consommateur qui passerait au E85 en roulant moyennement, enfin comme n'importe quel consommateur moyen, serait à peu près à 400 euros d'économie par an. Donc c'est vrai que ça peut intéresser des gens. Pour les distributeurs, c'est aussi une façon de respecter leurs engagements de distribution de carburants renouvelables, ce à laquelle ils sont obligés. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une obligation quand même légale. Autrement, ils se font taper sur les doigts. Ah, il y a un petit peu, oui. Ah d'accord, bah, je comprends mieux. Mais Jean-Luc, est-ce qu'il existe beaucoup de modèles aujourd'hui, alors, véhicules compatibles avec ce système? Et justement, ça va être la suite. J'anticipe un peu votre sujet. Exactement. Vous me cramez. Je vous coupe un peu l'herbe sous le pied, mais je sais que vous aimez ça. C'est pas très gentil, monsieur François. J'avais quand même une question juste avant d'en venir aux véhicules qui peuvent boire de l'alcool. Gildas, c'est un carburant 100% français en plus l'éthanol. Au moment où on est, on va dire, dans la campagne électorale et tout le monde prône le Made in France, quand on roule au super éthanol 85, quel est le pourcentage de produits français dedans? Je crois que c'est quelque chose effectivement pour lequel dont on peut être fier. L'essentiel de l'éthanol français, on va dire plus de 95% facilement, de l'éthanol est d'origine française, donc à partir de betteraves, de maïs ou de céréales fourragères. Et donc c'est un fleuron tricolore. On a des entreprises leaders qui fabriquent ce bioéthanol et génèrent des emplois sur notre territoire. Nos estimations sont de l'ordre de 9000 emplois directs, indirects et induits. Alors là, je vais faire l'avocat du diable, l'écologiste extrémiste qui dit oui, mais produire des biocarburants de première génération, ça affame la planète. C'est vrai que François avait faim ce matin. Oui, donc est-ce que c'est lié aux biocarburants? C'est une question toujours très compliquée. Bien sûr que nous ne pouvons pas conclure sur cet aspect-là de façon aussi caricaturale. Non, en France, on produit donc du bioéthanol à partir de céréales. C'est moins de 3% de la consommation de céréales en France qui est utilisée pour l'éthanol. Donc, c'est aucun négligeable. Risque là-dessus. D'accord. Et puis la betterave, on leur laisse. D'autant que la betterave à sucre, ça se mange pas en salade. Non, pas l'année travassique. Bon, c'est alors il y a en revanche un vrai avantage écologique qui a été prouvé par tous les organismes qui se sont penchés sur ce cas. Et Dieu sait qu'il y a eu des études diverses de fait, puisque on a cherché à chaque fois à plomber un petit peu les biocarburants. Le gain en matière de CO2, ce qu'on appelle du puits à la roue, c'est-à-dire en tenant compte de la fabrication, c'est-à-dire depuis le moment où on plante la plante, c'est le cas de le dire, jusqu'au moment où on la transforme, jusqu'au moment où on l'utilise dans la voiture et que ça sort du pot d'échappement, le gain en matière de CO2 est de combien ? Alors, il est de plus de 50%. C'est l'ADEME qui l'a mesuré en 2010. On tient compte de tout. On tient compte de l'essence dans le tracteur, on tient compte des engrais azotés dans les champs qui émettent du protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre. Enfin, voilà. Donc là, on prend absolument tout en compte et on peut estimer qu'on a un gain de 50% d'émissions de CO2. Supérieur à 50%, ça, c'était mesuré en 2010. Depuis, il y a eu des améliorations qui ont été faites sur les usines, de la captation de CO2, de fermentation. Donc, on peut estimer aujourd'hui qu'on est au-dessus de ce chiffre. D'accord. Ça veut dire que quand on fait son plein avec sa voiture, qu'on met 50% qu'on met de l'éthanol dedans, on gagne 50% d'émissions de CO2. Votre voiture qui émettait, par exemple, une voiture moyenne, c'est 100 grammes de CO2 par kilomètre. Là, je passe à 50. Vous passez à 50, vous payez le carburant moitié moins cher. 50% moins cher. Et vous dites, mais pourquoi est-ce que tout le monde ne roule pas à l'alcool? Enfin, vous dites pas tout. Je consomme un peu plus quand même. On consomme un petit peu plus. On consomme un petit peu plus, ça dépend des modèles. Alors, tout à l'heure, votre question, maintenant serait forte à propos, justement. Eh bien, vous savez quoi? Elle sera encore plus forte à propos après cette petite pause. Eh bien, d'accord. 9h17, c'était RMC. Et puis, on aura Alexis Landrieux, qui est gérant de Biomotors, avec nous juste derrière, qui est un spécialiste, lui, de un peu comme vous, mais de l'alcool pour les moteurs. Lui. Super éthanol, voilà le carburant du futur, écolo, pas cher, et c'est peut-être véritablement le carburant qu'il faut avoir. On en parle dans un instant sur RMC, à tout de suite. RMC jusqu'à 10h, votre tour. Ça alors, je ressens plus rien. Et là ? Rien non plus. Et si vous passez la main, là ? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon, ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. À l'occasion de la rentrée des classes, achetez un pot de Nutella et recevez 8 étiquettes personnalisées pour vos enfants. Emma, Enzo, Chloé, Nathan. Alors rendez-vous en magasin. Offre valable jusqu'au 30 septembre sur les pots porteurs de l'offre, voire conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, choisissez vos armes. Dynamite, explosif ou chalumeau. Pour ouvrir des coffres forts, deux experts sortent l'artillerie lourde. Chasseur de coffres forts, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Faites demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 175 € par mois. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km. Après un premier loyer de 2 100 €, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, 9h19, c'était RMC, le week-end des experts automobiles. On évoque le super éthanol qui a la cote en ce moment, Jean-Luc. Exactement, il se vend de plus en plus de super éthanol aux pompes. Et pourtant, François Sorel, qui anime cette émission avec moi, me demandait tout à l'heure, mais quel véhicule, exactement, avec un quel véhicules peuvent rouler au super éthanol? Alors normalement, les véhicules qui peuvent rouler au super éthanol sont ce qu'on appelle des voitures flex-fuel. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a que 2 modèles sur le marché. Il y a un modèle un petit peu premium qui est un Jeep Grand Cherokee, donc d'accord, avec un moteur V6, donc ça s'adresse quand même à une clientèle particulière. Et une voiture beaucoup plus populaire qui est la Golf 1.4 litre TSI, qui, elle, est sans doute aujourd'hui, je le redis, la meilleure affaire dans la catégorie des voitures essence, puisque le surcoût par rapport à la version essence doit être de 400 euros. Oui, donc on l'amortit hyper vite. On l'amortit presque instantanément, et que cette voiture est vraiment optimisée pour rouler à l'éthanol, et que sa consommation à l'éthanol, moyenne relevée par nos soins sur circuit avec un protocole précis, était de 7,5 litres. Et 7,5 litres d'éthanol au 100, franchement, c'est mieux en termes de coût kilométrique qu'un diesel équivalent sur la Golf. Donc c'est vraiment, et en plus en termes d'agrément, le moteur est beaucoup plus sympa qu'un moteur diesel équivalent. D'accord. Donc franchement, il n'y a pas à hésiter. Alors, on se dit, ouais, s'il n'y a que deux voitures vendues en France aujourd'hui, pourquoi il y a une consommation d'éthanol aussi grande ? Bien parce que il y a des gens qui mettent de l'éthanol dans leur voiture normale. Alors, je vous ai dit, on a avec nous Alexis Landrieux. Pas dans un diesel, quand même. Non, pas dans un diesel. C'est obligatoirement une voiture essence. Alors, on a avec nous Alexis Landrieux, qui est gérant de Biomotors. Bonjour, Alexis. Bonjour. Bonjour, François. Bonjour, Jean-Luc. Expliquez-nous, Biomotors, c'est quoi, déjà? Alors, Biomotors, c'est la conception, la distribution des systèmes de conversion permettant aux véhicules d'origine de pouvoir utiliser l'éthanol, tout comme l'essence, dans le réservoir d'origine, et ça sans changer l'agrément de conduite. D'accord. Alors, vous avez dit la conversion, vous avez dit le mot. Ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent de l'éthanol dans leur voiture sans rien changer. Alors voilà, après, ça reste un métier à part entière. Pour ma part et pour notre équipe, ça fait 9 ans qu'on conçoit des équipements dans nos ateliers, toujours en France, Cocorico, comme vous disiez tout à l'heure, sur Montpellier, et on conçoit, on a des ingénieurs derrière. Donc il est clair que mettre de l'éthanol dans son véhicule qui n'est pas prévu à l'origine, ça pose des soucis. Voilà, alors c'est quoi le risque ? C'est quoi le risque ? Parce que j'imagine, il y a plein de gens qui nous écoutent en disant « Oh là là, parce qu'ils le font !» Ils le font. Alors c'est quoi le risque de mettre de l'éthanol dans une voiture qui n'est pas prévue pour ? Concrètement, c'est qu'on joue à l'apprenti chimicien, entre guillemets, si je peux me permettre. Concrètement, le risque, il est simple, c'est une surchauffe mécanique, c'est un véhicule qui n'est pas prévu pour, et aujourd'hui, ce qui compte, je défie n'importe qui, d'arriver à régler un véhicule d'injection qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché à l'oreille. À l'oreille, c'est absolument impossible, il faut du matériel électronique pour régler les équipements. Il faut, nous, quand le véhicule rentre en atelier, dans nos garages partenaires qui installent les véhicules, chez nous, en tout cas, Biomotors, on va passer le véhicule à la valise, relever les données constructeurs du véhicule et les réintégrer dans le système de conversion. D'accord. Donc alors, déjà, s'affranchir de ça, en tout cas. Pour rouler, donc le risque, c'est, disons-le, on risque une casse moteur à l'extrême, c'est ça, en roulant avec de l'éthanol dans un véhicule qui est pas prévu pour. Mais il y a une solution, donc que vous proposez, c'est des boîtiers éthanol qui sont donc montés sur le véhicule. On peut pas le faire soi-même, François, il peut pas bricoler ça chez lui. Concrètement, il y en a qui, depuis 9 ans, on rencontre des gens qui ont essayé effectivement d'installer eux-mêmes l'équipement, et c'est malheureusement ce qui crée beaucoup de polémiques autour de ce carburant qui, pour moi en tout cas, est même une meilleure alternative à l'essence. C'est un carburant qui peut fonctionner même mieux que l'essence, et ça sur tout type de véhicule. Maintenant, effectivement, les polémiques bien souvent proviennent de personnes qui vont installer leur équipement, ça marche pas, donc forcément c'est pas leur faute, c'est forcément la faute du carburant. Bon, ça c'est c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Effectivement, le risque majeur, et on le voit déjà, quelqu'un qui va ne pas utiliser de boîtier, par exemple, il suffira de démonter ses bougies, par exemple. Elles sont toutes blanches, on verra que exactement, elles vont être toutes blanches. Si les bougies sont blanches, ça veut dire bien évidemment que le reste mélange de la mécanique, le reste de la mécanique est dans le même état. Bougies, c'est pas grave en soi, ça se change, ça coûte 25 euros, 30 euros. Maintenant, un haut moteur, ça coûte 2000. Voilà. Donc on risque d'avoir un effet chalumeau sur une bougie, de percer un piston. Donc ça peut, comme je disais, ça peut provoquer une casse moteur. Alors on peut monter donc un boîtier qui permet au moteur de mieux fonctionner avec de l'éthanol. Ça coûte combien un boîtier Biomotors ? Alors, tout va dépendre aussi du véhicule qu'on nous a porté. Bien évidemment, on parlait justement des véhicules flex fuel où on n'a que deux choix de modèles. Aujourd'hui, avec un équipement, on peut équiper tout type de motorisation essence. Ça va de la moto, du bateau, au jet ski, de la petite voiture jusqu'au gros véhicule. Donc on a cet avantage évidemment de pouvoir jongler sur n'importe quel modèle et donc avoir un choix. Bien évidemment, le tarif va varier en fonction de ça. Concrètement, le tarif de base sur un moteur 4 cylindres, on va dire le plus courant, on va être avec un forfait complet, donc comprenant l'équipement, l'installation par un garage professionnel qui suit une charte de qualité et 3 ans de garantie incluse, on va être à 790 euros. D'accord. Donc, j'ai trouvé sur internet des boîtiers à 150 euros. C'est quoi ça ? C'est la fausse bonne idée. C'est la fausse bonne idée, c'est-à-dire que 150 euros, c'est pas cher, mais si ça marche pas, c'est toujours trop cher. Malheureusement, vous allez rencontrer sur le marché, et je le vois depuis 9 ans déjà, le problème, c'est que tout se vend sur internet, et tant que c'est pas cher, ça se vend. Maintenant, il n'y a aucun support technique. Le seul argument de vente de ces boîtiers va être « achetez-le-moi, c'est très facile à installer, vous pouvez faire vous-même ». Chose que j'ai déjà évoquée, c'est impossible sans matériel électronique aujourd'hui de régler un véhicule à l'oreille. Et bien évidemment, ça fausse bonne idée, puisque 150 euros, c'est très bien, c'est pas cher pour un boîtier. Maintenant, si ça marche pas, ça l'est toujours trop. Donc, faut comprendre vraiment tout le process, c'est qu'une véritable installation, ça passe par une installation, par des garanties, et tout ça, on ne les a pas avec un boîtier de ce type-là. Ouais, vous me disiez, il y a des boîtiers qui arrivent de pays asiatiques qui sont vides. Dès lors que c'est pas cher, vous n'allez pas vous embêter à le renvoyer, si vous voulez, au fabricant qui est sûrement à l'autre bout du monde. Le frais de port en Asie va être plus cher que le boîtier. Ouais, que le boîtier, euros, c'est ça. Donc vous achetez une boîte 150 euros, en fait. Ça fait cher la boîte, finalement. Voilà. Pour conseiller d'ailleurs les auditeurs qui nous écoutent, je recommande fortement quand, par exemple, ils vont se poser la question d'acheter un boîtier, par exemple, le moins cher du marché. Oui. Regardez ne serait-ce qu'un office d'installation. La majorité vont finalement dans les petites lignes marquer. Ah oui, mais alors le voyant défaut de la voiture risque de s'allumer, mais bon, c'est parce que la voiture, elle comprend pas. Non, en fait, c'est simplement que le boîtier ne marche pas, soyons clairs. La garantie, c'est uniquement sur le matériel et non pas sur le bon fonctionnement du véhicule. Donc, le boîtier, dès lors qu'il va s'allumer avec une LED verte, ça, c'est pas très compliqué d'en faire allumer une. Le fabricant, au bout du monde, va vous dire « Ah ben oui, moi, ça marche. Oui, mais ma voiture marche pas. » Oui, ce qu'on cherche quand même, au final, c'est que la voiture fonctionne à l'étonne. Oui, exactement. Et pas d'avoir une loupiote verte sous le capot. Ouais. Alexis, vous restez avec nous. Restez avec nous, on va parler... On poursuit encore ce de sujet, de la légalisation, entre guillemets, de ces boîtiers. Parce qu'aujourd'hui, si j'installe ce genre de boîtier, est-ce que alors, je suis dans la légalité? Attendez, Jean-Luc, on en parle dans un instant, après la météo et les infos. De la garantie mécanique. Le 3216, tiens. Combien ça consomme en plus avec un boîtier? Et moi, j'aimerais bien avoir un ou deux témoignages auditeurs qui roulent au super éthanol. Est-ce qu'ils en sont contents? Qu'ils voient justement les économies qu'ils font au quotidien. N'hésitez pas, si c'est le cas, 3216 ou bien auto@rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre numéro de téléphone et on vous rappelle dans la foulée. À tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 euros, tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 euros. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 septembre selon autorisation. Tu sais qui est en tête du championnat de Ligue 1? La nouvelle appli du Figaro. Et tu sais qui va se présenter aux primaires? La nouvelle appli du Figaro. Tu connais un bon restaurant dans le coin? La nouvelle appli du Figaro. Politique, économie, sport, art de vivre. Pour vivre l'actu comme si vous y étiez, personnalisez votre actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Nouvelle application du Figaro, l'info en temps réel. Il était un criminel sans pitié. On a implanté dans son esprit les secrets d'un agent mort avant d'avoir terminé sa mission. Maintenant, il a le savoir-faire d'un agent secret et tous ses souvenirs. Ils se sont servis de moi, mais ils ont eu tort. Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Criminal, un espion dans la tête. En Blu-ray, DVD et VOD avec RMC. Le Comité Olympique Français vous donne rendez-vous partout en France jusqu'au 18 septembre pour la semaine Sentez-vous Sport. Venez découvrir et tester près de chez vous de nombreuses activités sportives. Alors, à vos baskets. Retrouvez toutes les informations sur sentezvoussport.fr. Free State of Jones, un déserteur devenu meneur. Aucun homme ne doit dire à un autre homme pourquoi il doit vivre, ni pourquoi il doit mourir. Un meneur qui conduisit une révolte. On se bat pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Free State of Jones, avec Matthew McConaughey. Au cinéma le 14 septembre, avec RMC. Le prix direct, c'est aujourd'hui seulement, et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'un poulet fermier Label Rouge Origine France, le deuxième est offert. Oui, le deuxième poulet fermier Label Rouge Origine France est offert. C'est ça, le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Au rayon volaille traditionnel, la gratuité s'applique sur le moins cher des deux. Et c'est avec Yasmina Benbekaï qu'on fait un point sur la météo de votre dimanche. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. Globalement, c'est quand même une belle journée estivale. On a quand même ce matin quelques pluies entre le Poitou-Charentes et les Ardennes. Mais ailleurs, c'est un temps sec et souvent ensoleillé. Et puis cet après-midi, le temps va s'améliorer quand même. On ne parlera plus de pluie, mais des nuages quand même entre l'Île-de-France, le Nord et les Ardennes. Ailleurs, il fait beau. Quelques orages sont prévus sur les Alpes et le relief corse. Demain lundi, ce sera un beau temps ensoleillé pour tout le monde avec des températures en hausse. Les températures, justement, cet après-midi, après-midi, 20 degrés à Cherbourg, 21 à Brest, 24 degrés à Paris, 29 degrés à Clermont-Ferrand et à Biarritz, 30 pour Strasbourg, Lyon et Bordeaux, 31 degrés à Toulouse et Perpignan et 33 degrés à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC 9h30 tout pile. Un point sur l'actualité, Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Une première mise en examen dans l'affaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvée à Paris il y a une semaine. Ornella, 29 ans, c'est la première de ces femmes écrouées hier soir. Ce matin, 5 gardes à vue sont toujours en cours, dont 3 femmes du commando. La réaction du ministre de la Justice après l'agression de surveillants de prison cette semaine. Jean-Jacques Urvoas veut changer les conditions de détention de personnes radicalisées. Multiplication des fouilles et des changements de cellules récurrents, c'est ce que propose le ministre ce matin dans le journal du dimanche. Toujours dans le JDD, longue interview de Nicolas Sarkozy ce matin qui donne ses réponses pour lutter contre le terrorisme, appliquer systématiquement le principe de précaution, rétention administrative pour les individus jugés dangereux, expulsion des étrangers suspects. François Hollande ne fait pas tout ce qu'il faut pour lutter contre la menace, insiste le candidat à la primaire, les Républicains. Le terrorisme qui frappait il y a 15 ans, jour pour jour, qui frappait la principale puissance mondiale, nous sommes aujourd'hui le 11 septembre, jour de commémoration, les noms des 3000 victimes seront égrenés à Ground Zero. La question migratoire est ce chiffre qui fait frémir. 2300, c'est le nombre de personnes secourues en Méditerranée sur la seule journée d'hier. Opération menée par les navires espagnols, irlandais et d'autres appartenant à des ONG. En tout, les occupants de 17 embarcations de fortune ont dû être secourus. Des sports, le football, Monaco leader de Ligue 1 après 4 journées. Monaco qui est allé battre Lille hier soir 4-1. Lyon a perdu à domicile 3-1 face à Bordeaux. Même score pour Angers face à Dijon. 2-0 pour Nancy à Lorient. Bastia bat Toulouse 2-1. Un partout entre Guingamp et Montpellier. La fin de cette quatrième journée, c'est aujourd'hui. 21h notamment, le choc entre Nice et Marseille. 9h31 sur RMC. Jean-Luc Moreau, François Sorel, messieurs, votre auto. Thomas Chupin, merci. Bon week-end, Thomas. Enfin, bon dimanche. Oui, bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et un prochain point sur l'actu, ça sera dans 30 minutes sur RMC. On repart dans votre rendez-vous auto avec Jean-Luc Moreau. 32-16 hein, pour toutes vos questions. À tout de suite. RMC. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Jean-Luc Moreau, attention. Une petite question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Stéphanie. Quel risque, Jean-Luc, d'oublier de mettre son clignotant ? Ben alors, il y a Thomas C qui me disait il y a un instant, j'ai des scrupules à le dénoncer, il me disait, moi je le mets quand je tourne pas. Hein, comme ça, voilà. Comme ça, ça fait ralentir les autres. Alors, bon, bien évidemment. C'est pas beau. Ouais, voilà. Je ne sais pas qui est ce Thomas C. Mais... Ouais. Bien évidemment, ouais, il faut mettre son clignotant quand on veut indiquer un changement de direction. Quand on va pratiquer un changement de direction, à droite ou à gauche, quand on sort d'un stationnement, quand on est dans un rond-point. Quand on rentre dans le rond-point, on doit mettre son clignotant à gauche. Et quand on décide de sortir du rond-point, on doit mettre son clignotant à droite. Ce que personne ne fait jamais. Et vous savez ce que ça coûte de ne pas mettre son clignotant, François ? Ça doit coûter cher, cette histoire. Ça coûte, bon, 35 euros, ça va. Ouais, mais ça c'est les points. C'est 3 points sur le permis de conduire, quand même. Ça fait mal. Et c'est vrai que beaucoup de gens oublient. Mais cela dit, enfin, ne pas mettre son clignot, par exemple, sur l'autoroute quand on déboîte, ça peut être extrêmement dangereux. Ouais, attendez, ouais. Alors, en revanche, sur l'autoroute ou sur la route, quand vous avez dépassé et que vous vous rabattez, le code de la route ne vous impose pas de mettre votre clignotant quand vous vous rabattez. Oui. Puisque la règle est la circulation à droite, donc vous étiez à gauche, là vous aviez votre clignotant pour doubler. Quand vous vous rabattez, vous n'avez pas à mettre le clignotant en revanche, à droite. Quand on va à gauche pour doubler, il faut obligatoirement mettre son clignotant. Et c'est vrai que si on respectait un peu mieux la règle du clignotant, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'accidents. Surtout moi qui suis motard, enfin l'ensemble des motards. Ah non, ça, c'est vrai quand les voitures motards, déboîtent, les gens n'ont pas de clignotant, pas de coup d'œil dans le rétro. Franchement, ça c'est criminel. Bon, après, il y a ceux qui mettent le clignot à droite et qui tournent à gauche, par exemple. Ceux qui confondent un peu la droite de leur gauche. Je l'ai vu. Et c'est terrible quand même. Ça fait un peu peur. Hein. Oui, alors ça peut être mal câblé aussi. 32-16. Oui, dans le cerveau, oui. 32-16 pour toutes vos questions auto. On vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à 10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Un excellent dimanche avec RMC. On est ensemble jusqu'à 10h, comme vous le savez. Chaque dimanche matin, 8h-10h, Jean-Luc Moreau m'accompagne pour votre rendez-vous auto. Et ensuite, vous retrouverez les GG du sport de 10h à 13h. Jean-Luc, on évoque le super éthanol qui a véritablement beaucoup, beaucoup d'avantages. Qui a beaucoup d'avantages. Plus de 800 stations, donc on le trouve facilement à peu près partout. 71 centimes le litre. La seule chose qui peut paraître étonnante, c'est qu'il y a en fait que deux véhicules qui sont vendus dès le départ pour rouler au super éthanol et que malgré ça, les débits de super éthanol augmentent chaque année. Donc qui boit du super éthanol? Alors, un élément de réponse avec Michel, oui, qui lui consomme du super éthanol. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Oui, bonjour Michel. Oui. Alors, racontez-nous. Eh bien, vous buvez? Je suis possesseur d'une Saab. Ah oui, donc vous aviez un véhicule qui était prévu dès le départ. Une Saab, Biopower. Une Saab 1.8 Bioflow. Ah ouais, Biopower. Biopower. Oui. J'utilise le bioéthanol très régulièrement. Comme indiqué sur la notice, je fais 9 pleins en éthanol et un plein en E10 tout chaque fois quoi. D'accord. Oui, voilà. En plus vous aviez l'avantage. La consommation en éthanol, elle est de l'ordre de 10 litres 5 sur l'autoroute. D'accord. Avec une consommation en essence qui est de 9 litres 5 si je passe à l'essence. Donc l'éthanol, il y a peu de différence. Extrêmement content. Mais vous aviez alors l'avantage des Saab, malheureusement, j'en parle au passé puisque ça y est, la marque a disparu. Oui, c'est oui. Que les moteurs turbo avaient une adaptation très particulière à l'éthanol et le fonctionnement moteur, la voiture est plus puissante à l'éthanol et la surconsommation est plus faible qu'avec un véhicule classique non turbo compressé. Et en plus, quand vous dites sur l'autoroute, alors moi j'ai vécu quelque chose de très particulier en Allemagne où on avait fait le comparatif entre un véhicule, à l'époque c'était des Ford qui roulaient à l'éthanol et l'équivalent essence. Et sur l'autoroute, on arrivait à avoir, alors bouchez-vous les oreilles, mais c'était sur des autoroutes libres en Allemagne, 200 km/h. On arrivait à avoir une consommation plus basse en éthanol qu'à l'essence. Pourquoi ? Parce qu'en éthanol, on n'a pas besoin d'enrichir le mélange excessivement quand on est à très haut régime. D'accord. Alors qu'en essence, on a besoin de le faire pour refroidir la mécanique. Donc en fait, on a une surconsommation. L'amélioration du rendement à l'éthanol va compenser la surconsommation. Et quand on est à très haut régime et à très haute vitesse, on se retrouve avec des consommations qui sont à peu près équivalentes. Mmh. Alors, j'avais une question là pour Alexis Landrieux qui est avec nous de Biomotors. Avec un boîtier, Alexis, la surconsommation, on va prendre un véhicule classique, un 4 cylindres, genre Renault Mégane ou Peugeot 308, elle est de combien la surconsommation? Consommation. Eh bien, en fait, on va effectivement retrouver les mêmes résultats que l'auditeur vient de nous donner. On est sur les alentours des 15% de surconsommation parce que, effectivement, même si on est obligé d'enrichir le mélange, comme vous le disiez, on est plus froid en température de combustion, donc pour les véhicules turbo, un meilleur refroidissement de la mécanique et plus de couple puisqu'on a effectivement un taux d'octane supérieur à celui du 98. Et c'est bien pour ça que sur tout ce qui est véhicule boîte automatique ou nouvelle génération, comme les PureTech dont vous avez fait l'essai tout à l'heure, on exploite l'éthanol maintenant aussi, on a des rendements finalement qui s'améliorent à éthanol avec des surconsommations qui s'abaissent aux alentours de 15%. Ouais, en plus, je pense que Michel confirmera ce que je dis, à l'éthanol, le fonctionnement du moteur est plus doux et le moteur est encore plus silencieux. Donc déjà, voilà, un moteur... En plus, ça apporte un confort. Oui, ça apporte un confort juste de conduite. Souvent, d'ailleurs, c'est souvent les clients en boîte automatique qui nous relèvent encore plus l'information que pour les autres. Pourquoi ? Parce que la boîte automatique passe les rapports en fonction de la réserve de couple. Étant donné que celle-ci est meilleure à éthanol, on a des meilleurs passages au niveau boîte automatique, donc une meilleure souplesse. Et sur boîte auto, ça se ressent encore plus. Alexis, Jean-Luc, on a reçu le mail de Thomas qui nous dit ceci. Je roule à l'éthanol avec un véhicule qui n'est pas prévu pour cela. Mm-hmm. Une Mazda MX-5 de 2000 qui, à l'époque, était conçue prioritairement pour le marché américain. J'ai fait 20 000 km en roulant 50-50 avec de l'essence et il n'ai pas eu de problème pour l'instant. Comme ma voiture a 220 000 km, je considère que je ne prends pas beaucoup de risques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui nous écoutent que en faisant un plein sur deux ou en mélangeant... Ah non, alors pas un plein sur deux, c'est plutôt 50-50 qu'il faut 50, faire. 50-50, c'est la plupart des moteurs essence accepteraient ce mélange. Tout à fait. Alors en fait, en soi, ça peut fonctionner, mais finalement, l'économie aussi est largement réduite, puisqu'on est à 50-50. Et au final aussi, ça dépend énormément, comme je vous disais tout à l'heure, des voitures. On ne règle, nous, en tous les cas, pour notre part, chez Biomotors, jamais un véhicule de la même manière, même sur un même modèle, on aura des réglages différents. Donc attention, c'est pas une vérité en soi pour tous les véhicules. On prend un risque de toute façon dès lors qu'on n'a pas fait un passage à l'ordinateur, une vérification des réglages constructeurs. Sur celle-ci, bah là on a l'info, hein, un port US, etc. Il y a peut-être des différences notables quand même avec une même Mazda qui aurait été européenne. Donc attention quand même à donner ce type d'information. Ça dépend de l'entretien du véhicule, des fonctionnements et son lambda, qui normalement sont préconisés en changement tous les 100 000, chose qui est rarement fait. Donc c'est quand même beaucoup de paramètres un peu hasardeux, entre guillemets, qui pour une économie en soi qui est largement réduite, puisqu'on n'est qu'à 50-50, bah, on va dire que c'est quand même prendre un risque pour peu d'économie finalement. Oui, alors j'avais une dernière question, Alexis. Jusqu'à présent, on pouvait mettre un kit éthanol, mais légalement, on n'avait pas le droit de l'utiliser, puisqu'il aurait fallu une modification de la carte grise. C'est quelque chose qui est en train de trouver une issue. Enfin, normalement, ça devrait être fait avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, exactement, c'est ça? Exactement, ça fait deux ans effectivement qu'on travaille sur le dossier. Il y a des essais UTAC qui ont été réalisés, qui ont prouvé et démontré les bienfaits du boîtier et son efficacité, du moins pour un boîtier digne de ce nom. On va sortir de l'impasse, c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui, c'est interdit, oui, il y a un manque de législation, donc bien sûr, on interprète dans le sens où ça nous arrange. Manque de législation veut dire que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, et en soi, ça donne aussi le droit à des personnes, comme on disait tout à l'heure, de vendre des boîtiers vides. D'accord. Aussi bien pour les boîtes reconnues, enfin les entreprises reconnues, que pour les utilisateurs, une législation permettra aussi d'y voir plus clair. D'accord, puis il y aura une garantie qui sera offerte, qui se substituera à la garantie du constructeur. Merci, voilà. Alexis. Bon, merci Alexis. De rien. Bio Motors, donc. Exactement, voilà. Gildas. Une petite chose juste, je vois que le site est en saturation. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, le site ne marche pas là. Alors, il est en saturation, donc juste secrétariat, je vous donne le numéro, ça ne dérange pas. Allez-y. On le mettra sur notre site à nous qui n'est pas en saturation. Voilà. D'accord. Et sinon, la page Facebook, comme Biomotors. Voilà. Le numéro de téléphone secrétariat, sinon c'est 04 67 20 45 95. Mais merci beaucoup. Pour lundi. Merci Alexis. Bonne journée, au revoir. Merci Alexis. 9h41. Gilda, si on veut en savoir plus sur le Mondial de l'Auto, il y aura un stand Oui, la collective bioéthanol sera présente au Mondial de l'Auto, Hall 3, stand 119, donc pour les 15 jours. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. On revient dans un instant sur RMC. On va parler de Facebook. Oui, on aura Rémi Jossot avec nous. Voilà. Vous dites quel rapport avec Facebook et Radar? Vous allez tout comprendre dans un instant. Et puis juste après, ce sera l'actualité de la semaine avec automoto.com. À tout de suite. RMC, 8h-10h. Votre auto. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 septembre selon autorisation. Carrefour. Franck, tu t'entraînes? Ouais, c'est bientôt la foire au vin chez Carrefour. Et cette année, avec la sélection de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013, ça va être la course. Mais sinon, tu sais que dès demain, tu peux réserver en avant-première tes vins préférés sur je-réserve-ma-foire-au-vin.fr. Et ça d'un simple clic. Ah bah j'arrête tout alors. Et demain, je m'installe confortablement devant mon ordi. C'est bientôt la foire au vin chez Carrefour. Commandez vos vins préférés en avant-première dès demain sur je-réserve-ma-foire-au-vin.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux? Mais pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok. T'as hérité? Non. 295 € par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295 € par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Menez. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur Mini.fr. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, pratiquement 10h moins le quart. Encore quelques minutes à passer ensemble pour ce week-end des experts auto. Jean-Luc Moreau et maître Rémi Jossaume qui nous rejoint maintenant. Et oui, et on qui va... défend les automobilistes. Exactement. Maître. Alors vous, François, qui dénoncez, enfin qui révélez l'emplacement des radars par courrier à tous vos amis. Hein, pour, Enfin les radars qu'il y a dans les locaux d'RMC. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais vous envoyez des fax vous pour, c'est pour ça. Prévenir c'est des ça. Ou le Minitel, c'est pas mal aussi. Le Minitel, ouais, c'est bien. Bonjour Rémi. Alors bon, ça y est, c'est la fin du suspense. Confirmant concernant le groupe Facebook qui avait été accusé de révéler l'emplacement secret des radars sur la route. Hein. Ouais, bonjour Jean-Luc, bonjour François. Bonjour. Effectivement, on en avait parlé, souvenez-vous, en direct à l'antenne. Oui, on en avait parlé, c'était pas une bonne nouvelle à l'époque. Exactement, et on avait dit, j'étais venu vous voir en vous disant, mais c'était parfaitement légal. Ces gens-là ne risquaient pas de condamnation au regard des textes en vigueur. Alors, effectivement, le tribunal correctionnel m'avait donné tort dans un premier temps, et puis le droit a été dit, et là, effectivement, cette semaine, c'est une grande victoire. La Cour de cassation rappelle le droit, et vos auditeurs doivent savoir, effectivement, qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas interdit d'informer les autres usagers, notamment par Facebook, puisque c'est l'objet même de ce procès, de la présence de contrôle routier, de contrôle radar. Alors, la loi est peut-être mal faite. Ça veut dire concrètement que sur Facebook, sur la page Facebook du compte de Jean-Luc Moreau, bon, il n'en a pas, donc il n'y a pas de souci. Mais par exemple, sur la mienne, je peux dire, j'ai croisé un radar à tel endroit, faites attention. Exactement, François. Vous pouvez le faire comme cela, via Facebook, mais vous pouvez aussi envoyer un SMS, utiliser votre Minitel, ce que vous voulez. La loi n'interdit que l'utilisation d'un dispositif. Et un dispositif, ce sont les avertisseurs de radar ancienne génération qui n'avaient que cette seule fonctionnalité-là. Et qui avaient la précision. Mais est-ce que je peux être précis en communiquant ces informations, maître ? Alors, on peut être précis, encore une fois, dès lors que je n'utilise pas un dispositif qui est exclusivement dédié à cela. C'est l'interprétation des textes et donc des décisions de la Cour de cassation rendue cette semaine qui permet d'affirmer cela aujourd'hui très concrètement, comme l'appel de phare, si vous voulez. Il y a une vieille légende urbaine qui consiste à faire croire que les appels de phare sont interdits. Non, les appels de phare ont toujours été autorisés. Et là, finalement, c'est un peu l'appel de phare numérique ou l'appel de phare 3.0, si vous voulez. Oui, comme pendant un temps, il y avait la CIBI pour prévenir la présence des radars, ce que François a toujours sur la Fuego d'ailleurs, à la grande antenne. Certainement, ouais. Mais comme encore une fois, l'usage du téléphone ou du SMS, alors évidemment pas en roulant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais quand on est arrêté au bord de la route, on a le droit, et puis finalement, qui ne l'a jamais fait ? Est-ce qu'on va vous réprimer parce que vous allez avertir vos invités du samedi soir dans la rue à côté, il y a un contrôle de police ? Non, c'est totalement ubuesque. Si on remonte l'histoire, maître, c'était un policier qui était tombé sur cette page et qui visiblement était un petit peu énervé qu'on ait indiqué l'endroit où il était. Des échanges parce qu'il y avait plusieurs emplacements de radar qui a traîné tout le monde en justice, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est exactement, c'est un gendarme plus précisément qui effectivement lui-même finalement utilisateur du réseau social voyant que il était entre guillemets dénoncé. Il était fliqué. il était surveillé, on va dire, par les citoyens, lui-même a dû remonter l'information auprès du procureur de la République qui a pris la mouche en pensant qu'effectivement c'était une infraction. Bon, on va pas se mentir, sa position n'était pas totalement surréaliste parce que on peut faire un peu dire ce qu'on veut à des textes imprécis, c'est vrai. Néanmoins, moi j'ai toujours soutenu que c'était parfaitement légal, et la Cour de cassation, finalement, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que derrière cela, c'est la liberté de communiquer, c'est la liberté d'informer, et que à partir du moment où vous avez des organes de presse, des journaux, des radios locales, les forces de police elles-mêmes, quand j'ai plaidé toutes les affaires dans ce dossier, notamment à Montpellier, je suis arrivé avec la liste des contrôles de radar, mais également des contrôles d'alcool et de stupéfiants qui était publié dans la presse par le préfet local. Alors, si vous voulez, on peut pas dire d'un côté... Ouais, c'est pas bien de communiquer, et le préfet a le droit de le faire. Et le préfet n'est pas au-dessus des lois, je crois pas. Bon. Donc voilà, il y avait une hypocrisie derrière cela, avec, pardon de le dire aussi, les outils d'aide à la conduite, parce que qu'on le veuille ou non, même si on dit que c'est moins précis, c'est pas vrai. On sait très bien que dans la zone de progression de l'information, à un instant T, on sait que le radar se trouve à cet endroit-là, voilà. Oui. Effectivement. Alors, c'est ce jugement de la Cour de cassation, ça y est, on est arrivé au bout, on peut plus revenir en arrière. C'est terminé, jusqu'à ce que la loi ou la réglementation évolue. Oui. Mais bon courage, parce qu'encore une fois, si on interdit ça, faut interdire les outils de la conduite, et puis il faut interdire toutes les communications possibles et inimaginables. Et je pense que c'est mission impossible. Bon. Maître, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Et bravo pour ce combat qui dure depuis combien d'années déjà ? Eh bien, le combat judiciaire date de septembre 2014, les premières poursuites depuis à peu près mai 2014. Ouais. Simplement pour vous faire comprendre. On s'en souvient, vous étiez venu nous en parler oui. à l'époque. Hein, il y a quand même des gens qui ont posté un message. Ouais. Dans leur vie d'automobiliste et d'internaute, ils ont posté un seul message, se sont retrouvés convoqués au commissariat ou à la gendarmerie, traînés devant un tribunal correctionnel, ouais. puis devant la cour d'appel, puis devant la cour de cassation. C'est un périple judiciaire et eux, très honnêtement, personne ne va s'excuser de les avoir poursuivis. Hein. Personne. Et ils ne peuvent pas demander des dommages et intérêts, ces gens-là ? Ça va être compliqué, si vous voulez, à partir du moment où la justice a été rendue. On va leur dire, mais estimez-vous déjà heureux de ne pas avoir été condamné. Oui. Ouais. Et Facebook, dans cette histoire-là, est complètement, on va dire, en dehors de tout cela ? Oui, parce que Facebook, d'abord, n'est pas français. Hein. C'est une plateforme logicielle, on va dire, américaine. Mais surtout, c'est que Facebook n'est que le support, si vous voulez, de la communication. Oui, voilà, c'est comme si l'opérateur téléphonique était responsable de tous les appels. Voilà, c'est ça. Exactement. On est d'accord. Donc, mais le pire, vraiment, pour terminer, le pire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de communication sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais eu autant de pages dédiées à cela. Mmh. Il n'y a jamais eu autant d'éléments de communication. Et tant mieux, il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur la route. Donc ceux qui font la corrélation se trompent, sont de mauvaise foi ou ne savent pas lire les chiffres. D'accord. Merci maître. À bientôt. Merci. Maître Rémi Jossoum, qui, je vous le rappelle, dorénavant, sera régulièrement. Oui, on fera une émission. D'ailleurs, quand je l'ai appelé pour préparer celle-là, il me dit ça va faire deux fois ce mois-ci. Voilà. Jean-Luc, petite réaction concernant l'éthanol. On a Christian qui nous dit arrêtez les louanges sur l'éthanol. J'ai une C1 qui a 10 ans. J'ai voulu mettre de l'E10, cela encrasse le filtre anti-pollution. Elle est tombée en panne, c'est ce que m'a dit le mécano, donc je n'en mets plus. Mais il faut dire que cette voiture n'est pas compatible. C'est peut-être pour ça aussi. Est-ce que ça peut encrasser le filtre anti-pollution le filtre anti-pollution, c'est le catalyseur. Le catalyseur 3 voies, l'éthanol, ça lui fait rien du tout. Hein. Son vrai problème, il est ailleurs. Hein, et c'est un dysfonctionnement certainement de l'allumage, des bougies, des choses comme ça. Le mécano est n'importe quoi. Et puis un autre auditeur qui nous dit, en mettant de l'éthanol, j'ai moins de reprises sur mon véhicule. Surtout quand je roule en montagne, je l'ai remarqué. Donc à ce moment-là, je repasse en 95 ou en 98. Oui, mais ça c'est vrai parce que son véhicule n'est pas adapté. Il n'a pas de boîtier. Et visiblement, c'est pas un véhicule adapté. Donc il perd effectivement de la puissance. On termine avec l'actualité vue par automoto.com. Exactement, avec Stanislas Laroumé qui était avec nous, journaliste pour le magazine Automoto. Bonjour Stanislas. Bonjour Jean-Luc. Bon, bonjour. Alors cette semaine en kiosque, le numéro du mois de février, janvier. Ouais, on est en janvier. Mais je vais un peu vite. Qu'est-ce qui se passe ? Octobre. On n'est pas en janvier, c'est ça. Stanislas, ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent, Jean-Luc. Non, mais vous faites rien du tout, vous dites c'est très bien et on continue et ça repart. Vous allez voir. D'accord. Non. Alors, on commence. Ouais. On commence avec dans ce numéro, l'essai du Scénic 4 qu'on attendait tous et en particulier les professionnels puisque c'est quand même un véhicule qui a la particularité d'être doté de roues énormes. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Alors les routes, pour le style, c'est bien, c'est pas mal pour le style, c'est bien pour la garde au sol aussi, puisqu'elle passe à 17 cm, ce qui est plus 4 cm par rapport à l'ancien modèle. Alors ouais, ça, on peut faire du tout terrain en Scénic. Voilà, c'est ça. Mais non, mais vous rappelez, il y a longtemps, il y avait un Scénic 4 roues motrices. RX4, qui était une belle... Pas une réussite, voilà, j'allais le dire. Ouais. En d'autres termes. Jean-Luc, vous n'êtes pas un fan du Scénic. Non, alors celui-là avec des roues de 20 pouces, donc des roues énormes, en général, les grandes roues, c'est pas confortable. Alors, c'est ce qu'on lui reproche. Alors, le confort est quand même très bon dans l'ensemble, mais les roues de 20 pouces génèrent quelques trépidations. Vous voyez, sur les petites irrégularités. Je pense que c'est contagieux ce qu'a Jean-Luc. Vous allez voir. Oui, ça se transmet par téléphone. Ça se transmet par téléphone. C'est terrible. Oui, donc, malheureusement, sur les trépidations, sur les petites irrégularités. Voilà. Déformations, voilà. Voilà. Sinon, pour le reste, ce Scénic, c'est plutôt pas mal. Pour le reste, ce qui est quand même appréciable, c'est qu'il quitte un petit peu l'habit du monospace pour se muer légèrement en SUV, ouais. On n'est plus assis sur une chaise de cuisine quand on conduit. Ça c'était insupportable sur toutes les générations de Scénic. Et là, on est un peu assis comme dans une berline. Malheureusement, de la berline, il reprend aussi l'absence, mais il y a moins de modularité que dans l'ancien. C'est-à-dire que fini les trois sièges individuels à l'arrière, ce qui est très, très pratique pour mettre trois personnes. Et maintenant, on a une banquette, tout simplement, deux tiers, un tiers. 6 coulisses, donc tu fais passer le volume du coffre de 572 à 708 en fonction de la position de la banquette. Et elle se rabat aussi entièrement dans le SS Camode, totalement dans le français. Alors qu'avant, on savait pas quoi faire des sièges. Alors à l'inverse, Peugeot a fait la démarche inverse. Ils sont partis d'un monospace et ils en ont fait un vrai SUV. Le 5008, ils gardent le même nom, mais tout change. Alors tout change. Moi, je pense qu'il y a une stratégie du groupe PSA, c'est de laisser les monospaces à Citroën et les crossovers à Peugeot. Et les breaks aussi, d'ailleurs, à Peugeot. Alors, le 5008, en effet, c'est plus du tout un monospace. Il grandit il fait 19 cm de plus par rapport au nouveau 3008 qui a été présenté il n'y a pas longtemps. Ce sera l'une des stars du mondial. Oui, il est beau, en plus. Ouais, c'est joli, c'est assez joli. Ce qui est appréciable, c'est l'habitacle avec le fameux high cockpit qui est très inspiré du virtual cockpit qu'on trouve dans le groupe Volkswagen avec des écrans paramétrables. Mais il conserve quand même c'est cette place, j'ai la dimension, c'est 11 cm de plus par rapport à l'ancien 5008, un très grand coffre, enfin ça va être... Et puis trois sièges derrière indépendants, là, contrairement au Scénic qui abandonne les sièges indépendants, lui a trois sièges indépendants et qui rentrent dans le plancher en plus. Alors trois sièges indépendants et de taille identique, parce que je sais pas si vous vous souvenez, le 806, ça nous rajeunit pas, mais il y avait le siège du milieu qui était plus petit que les deux autres. Oui. Ah oui. Donc ça c'est pas mal. Bon, et on va terminer avec cette histoire incroyable. Bientôt la fin du diesel chez Renault, peut-être, Stanislas ? Alors, selon Thierry Bolloré, le directeur délégué à la compétitivité de Renault, et selon l'agence Reuters, il estime que le coût de la dépollution du diesel serait trop élevé pour le maintenir sur certains types de voitures. Alors, je pense pas que ça s'arrête tout de suite, mais de toute façon, vous... Jean-Luc, vous êtes le spécialiste de l'anti-diesel. Non, faut pas dire ça. Stanislas. Je suis spécialiste de l'anti-diesel mal dépollué. Et c'est vrai que Renault, c'est mal utilisé surtout. Oui, mal utilisé, c'est autre chose. Mais mal dépollué, c'est quand même une spécialité de Renault. Donc quand Renault dit on va arrêter le diesel, PSA n'a pas du tout le même discours parce que PSA continuera sans doute à faire des diesels puisqu'eux arriveront à répondre aux normes qui vont être plus sévères avec la technologie qu'ils ont adoptée. Alors que Renault va être obligé de changer de technologie. Donc ça explique... Renault, c'est un peu de la dépollution low cost, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je suis pas un spécialiste de la pollution automobile, mais d'après ce que j'ai cru lire et ce que j'ai vu, les DCI Renault sont pas les meilleurs, mais je pense pas qu'ils soient seuls dans ce cas-là, parce que j'ai le sentiment que Fiat n'est pas très bien placé. Il y a plein d'autres constructeurs, Fiat, Opel. Merci Stanislas. C'était juste pour dire que évidemment les coûts de dépollution sont très importants. Donc pour une petite voiture, le prix d'achat. Mais de toute façon, la Mercedes, il y aura de moins en moins de citadines diesel. On est exactement. D'accord. Hein, puisque la Mercedes sur la Twingo, la Peugeot 108, des trucs comme ça. Merci beaucoup Stanislas Laroumé, journaliste pour automoto.com. Merci beaucoup. Et je vous dis par quoi sera remplacé le diesel, François. Alors, et c'est dans Automoto ce mois-ci, d'ailleurs, si vous voulez le lire. Ouais. Ça sera remplacé par le moteur essence à compression variable. On aura l'occasion d'en reparler, Jean-Luc. On n'a plus le temps et on accueille tout de suite les GG du sport et Serge Simon qui est là. Salut Serge. Messieurs, bonjour. Bonjour Serge. À compression variable lui aussi. Ah bah absolument. Et à l'éthanol également. Matin seulement. Oui, le matin. C'est pour ça qu'il démarre mieux. Serge, on va parler de quoi on va faire rapide, on va faire des grands personnages aujourd'hui. On va parler de Bernie Ecclestone, 85 ans, qui vient de vendre pour 8 milliards de dollars la Formule 1. Ça vous parle ça, messieurs? Après Bougelal qui n'a toujours pas vendu le RCT, mais qui est dans une situation difficile avec un début de saison compliqué pour son club. Est-il responsable un petit peu du bazar du côté de la rade? Et puis on va accueillir une femme extraordinaire, Fanny Gibert, championne de France de bloc. C'est de l'escalade et c'est extraordinaire. Voilà, messieurs. A tout de suite, Serge Simon, Christophe Cessieux pour les GG du sport. Bon dimanche avec RMC. On se retrouve le week-end prochain. RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW Série 1 est à partir de 275 euros par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1/14D 3 portes première start édition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Ça veut dire quoi être cool pour Darty ? Être cool, c'est être détendu après ses vacances. C'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille. C'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un lave-linge à prix cassé. Bref, c'est être cool, quoi. La rentrée est cool chez Darty. Profitez de nos meilleures offres. Par exemple, du 8 au 15 septembre, le lave-linge 10 kg Thomson TW 1016 est à 549 € seulement, au lieu de 699, soit 150 € d'économie. Alors quelques instants, le journal puis les grandes gueules du sport, mais un petit détour par les plages de France et sa météo avec Yasmina Benbekaï. Bonjour Yasmina. Bonjour Serge, mais on va toujours pas à la plage tous les deux. On fait une météo classique et on a quand même des nuages et quelques gouttes entre le centre, l'Île-de-France et le nord de la Seine. Ailleurs, la journée s'annonce agréable. Sur les côtes de la Manche, jusqu'en Bretagne et Pays de la Loire, le soleil et nuages se partagent le ciel. Et puis ailleurs, c'est une ambiance estivale avec sans doute des averses parfois orageuses sur les Alpes du Sud et sur la montagne Corse. Demain lundi, un beau temps ensoleillé pour tout le monde avec des températures en hausse. Il va faire chaud demain, 30 degrés en moyenne au nord et 33 degrés en moyenne au sud. Et les températures justement cet après-midi, 20 degrés à Cherbourg, 24 à Paris, 29 degrés cet après-midi à Clermont-Ferrand, 31 à Toulouse et 33 degrés à Marseille. Merci Yasmina, c'était la météo générale. J'ai tellement envie d'aller à la plage avec vous Yasmina, merci un beaucoup jour. Un jour peut-être. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 15h, Football Ligue 1, Nantes-Metz, suivi de Rennes-Caen. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc Toulouse-Toulon. Et à 20h45, retour à la Ligue 1 avec Nice-Marseille. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Jean-Michel Larquet, Ali Benarbia me rejoindront à côté de Christophe Cessieux pour démarrer les grandes gueules du sport juste après le journal présenté par Guilhem de Prévoisin. Bonjour Guilhem. Bonjour Serge, bonjour à tous. Il y a 15 ans, jour pour jour, deux avions étaient projetés sur les tours du World Trade Center. Les États-Unis commémorent aujourd'hui l'attaque la plus meurtrière de leur histoire. Près de 3000 personnes ont perdu la vie. Une attaque qui a encore des conséquences sur la course à la Maison-Blanche. Soufiane Al-Sabag, spécialiste de la vie politique américaine. Ce qui est formidable, c'est que dans cette campagne présidentielle, 15 ans après le 11 septembre, c'est sans doute la première campagne présidentielle où finalement les affaires extérieures, je dirais liées au terrorisme, liées aux répercussions du 11 septembre, sont aussi présentes. Vous avez un candidat, Donald Trump, qui a fondé toute sa campagne sur, d'une part, sa crédibilité à assurer la lutte contre le terrorisme, et puis, d'autre part, montrer que les années Clinton-Obama ont été tout à fait déplorables dans, justement, la défense du territoire américain. Et tout ça, on le voit, c'est directement lié aux conséquences de ce qui est arrivé à New York il y a maintenant 15 ans. À 8h40.